les frères. Ah non, non, non, ah pas non du tout. Ah, j'ai jamais imaginé ça. Je le dis tout de suite. Jade, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Merci de nous avoir fait partager un petit peu de ton bonheur. Salut, est-ce Jade. Est-ce que je pourrais avoir un pack Love Infest? Ouais, ça va servir maintenant. Vous mettez des capotes? Voilà. Eh ben, nickel. Une dédicace à Théo, mon meilleur pote. Ok, eh ben, le message est passé. Salut. Salut Jade. Salut, salut. Ciao ma chérie. On a une question de dernière minute là. Vas-y. Arthur. Oui. Salut Arthur, t'as 11 ans, t'es à Chartres. Oui. Qu'est-ce que tu voulais savoir Arthur? Je voulais savoir, bonjour Doc, bonjour Karine. Ah bonjour. Ah, qu'est-ce que tu veux savoir maintenant? Je voulais savoir, qu'est-ce qu'une sodomie? Une sodomie, c'est une pénétration sexuelle anale. Dans les fesses. C'est-à-dire que le garçon, va... Va pénétrer, mettre son zizi dans les fesses du va pénétrer le garçon ou la fille, par l'anus, dans le rectum. Voilà, faut pas avoir envie de faire caca. Hein. Ah, c'est très glamour ce que tu dis. Ah bah je dis la vérité. Mais faut pas pousser quoi. C'est ça, cool. Arthur, tu savais pas que c'était ça? Non. Mais d'accord. Pourquoi t'en as entendu parler autour de toi, tes copains, c'est ça? Non. Non, mais comment tu le sais alors? Pourquoi t'as entendu ce mot-là? J'ai pas. Mon frère. Ah, ton frère. Ah, bah oui, le grand frère. C'est papa, frère. Une fois, un jour, il a dit. Allez, papa, il revenait d'une réunion, il a dit j'ai fait une grosse sodomie. Il a quel âge, le frère? 13 ans. Ah, oui, bah oui. Et ça te dirait pas de faire le défi, fallait pas demander, de poser la question à ton père? Non. Il y a une belle tablette tactile à gagner, hein. C'est vrai que c'est pas facile à faire quand même, le défi, fallait pas demander. Génial. On salue tous les champions qui le font tous les soirs à 21h. Arthur? Oui. C'est bon, là, la réponse te satisfait? Oui, oui. Ah bah tu reviens quand tu veux, mon pote. Oui, avoir un pack fun aussi. Ah. Toi, tu veux des capotes à 11 ans, toi? Oui. C'est pour son grand frère. Ah ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Alors, on va t'envoyer le pack Love Infest, tu raccroches pas, Arthur. Salut, oui. Arthur. Salut, mon pote. Oui. Ciao, ciao. Oui. Salut à toi. Oui. Et on va se retrouver dimanche soir en direct sur Fun Radio. Encore en direct. Mais bien sûr, bah, tous les soirs en direct. Hein. Je sais. Ah oui, on est là, attentif. On vous écoute les soirs sur Fun Radio, 20h, 22h, Love in Fun sur Fun Radio. N'hésitez pas à réagir, hein, bien sûr, pendant tout le week-end là, sur les réseaux sociaux. On vous mettra plein de posts sur le Facebook de l'émission, le Twitter, et allez voir la chaîne YouTube aussi de Love in Fun pour mater toutes les nouvelles vidéos. Vous verrez notamment Alice qui en apprend un petit peu plus sur les voitures pour son permis de conduire. On va retrouver Marion et Anso. C'est salut le Night Show qui commence. Ouais. Bonsoir les filles. Salut. Bonsoir. Oh putain, ça n'est rien. Ça va? Ça va bien et vous? Ouais, très bien. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Oh là, on a de l'invité ce soir. Hein. Ah, qui vient ce soir en émission? Bah, t'as qu'à rester là et puis tu vas voir. Ah ouais, putain, même pas de teasing, rien du tout quoi. Alors, on peut te dire qu'on a du youtubeur et du DJ hyper connu. Ouais, et que les deux qui viennent ont des prénoms qui commencent par lettre K. Voilà. K. Ouais. C'est cool. Yakungs. Ouais, bien joué. Ok, et le youtubeur c'est Kemar. Ah, il est fort ce con. Ah putain. Ah, bienvenue. Hein. Ah, si tu veux nous foirer nos débuts d'émission. Non, mais y a pas de problème. En même temps, j'ai Kassim qui me souffle toute la réponse. Donc c'est très facile. Salut les filles, amusez-vous bien. Salut. Ciao, ciao et bon week-end à tous. Salut. Est-ce qu'on est content d'être là? Et on est content d'être là. Elle est super cette émission. Ah, c'est moi qui l'ai pas faite. Non? Et tu l'as pas faite comment? Bah, j'ai pas choisi les deux filles. Salut, c'est Marion et Anso. C'est moi qui écris pas leurs chansons. Vas-y gros, je joue notre son, fais pas le raccro, vas-y gros. Et c'est moi aussi qui choisis pas la musique dance floor. Mais tu dois te coucher hyper pas tard pour faire tout ça. T'inquiète. Et les sourcils d'Amir en forme de bûche de Noël, c'est pas toi? Ah non, non, non, ça par contre c'est vraiment pas moi, non, non, non. Tu vois, c'est comme les vannes de Mano, hein, c'est pas moi non plus, non mais vraiment. Hein. Ah, ok. Et le jingle du Night Show qui va arriver, c'est toi qui l'as pas fait aussi? Ouais, c'est moi qui l'ai pas fait. D'ailleurs, c'est pas ma voix dedans. Hein. Parce que moi je l'adore, tu vois, c'est possible que tu me le fasses pas écouter? Et pas qu'un peu. Tous les soirs, 22h minuit. Welcome. Marion et Anso. The Night Show. The Night Show. Sur Fun Radio. 22h de bonsoir. Bienvenue sur Fun Radio. Et vous avez mis du temps à crier, vous m'avez angoissé. C'est Marion et Anso, le Night Show du dimanche au jeudi, 22h minuit. C'est un kiff de vous retrouver comme chaque soir. C'est le dernier jour de la semaine pour nous. Ouais. Oh, je déteste quand tu dis ça. Ouais, et moi, je déteste pour vous ce jour parce que je sais que c'était le bac d'histoire géo. J'espère que ça s'est hyper bien passé pour ceux qui étaient concernés. Ah ouais. On va faire un petit point tout à l'heure, mais normalement, j'ai vu sur les réseaux sociaux et tout, ça va, pas de grosses surprises. Non, voilà. Puis l'histoire géo, on en parlait hier soir, c'est du par cœur, quoi. On croise les doigts pour vous, les bichons, si vous voulez vous détendre comme ça là ce soir. N'hésitez pas, on fait de la radio ensemble, on kiffe et on a de l'invité ce soir. Bonsoir Anso. Bonsoir mon petit chat. Elle va bien celle-là? Bah je suis en pleine forme hein. Oui c'est vrai. Oui c'est vrai. En ce moment elle est bien. Particulièrement rayonnante en ce moment. Ça c'est parce que tu sais que tu pars bientôt à Ibiza. Ah ouais non mais ça c'est. Et puis nous attend de la teuf et pas que de la teuf. Et ouais. Ça va être cool. Ça va être cool ouais. Ouais cette journée. Tout ce qui est plan qu'on se gère là-bas quoi. Hein. Ouais. Parce que Anso c'est la seule meuf qui essaie de trouver des plans cul à Ibiza. Et tu qui vois. Trouve. Et qui trouve. Mais bah, tu cherches aussi. Non mais n'importe quoi en vrai. Moi le but c'est de faire la teuf tous ensemble avec la famille Fun Radio. C'est ça qui m'importe. Mais jusqu'à minuit quoi. Voilà. À minuit on a la deuxième Anso qui débarque. Cochon, tout ce qui est tub en rafale quoi. Hein. Et tu veux te calmer. Bon, ce soir en tout cas dans l'émission, on vous le disait, on va recevoir Kemar du studio Bagel pour son livre, le livre dont vous êtes le super zéro. Grave. Qui est chambé d'ailleurs son bouquin. Et puis on recevra Kungs aussi, le jeune DJ d'Aix-en-Provence. Et franchement, pour l'avoir vu en set, c'était au Fun Radio Live au Portel. Le gars, il mixe, mais de taré. Hein. Mais tu sais que Kungs, il est numéro 1 Shazam Monde ouais, avec ce ouf. Titre. C'est juste ouf pour un DJ comme ça qui débarque, quoi. 19 ans. Truc de malade. Et puis, on aura aussi ce soir le réponse à tout, là, toutes les questions que vous n'osez pas poser à vos proches. Eh ben, nous irons, répondons avec Marion et on oui. adore ça. 01 42 48 5000. Vous pouvez déjà appeler là maintenant, hein, d'ailleurs, hein, si vous avez des questions. Pour le son, je suis contente. Je suis joie, je suis émotion, puisqu'on va passer le tout nouveau Jonas Blue, on adore. Ah ouais, grave. Baby, we don't need no reason why. Il est bon, hein. Ça, ça pue l'été, quoi. Ah ouais. On va aussi se faire le double Sean, hein, Jay Sean et Sean Paul. Et alors, si jamais vous avez envie d'un titre, c'est jeudi soir, le bac est passé, c'était une journée compliquée. N'hésitez pas, vous nous appelez la 01 42 48 5000, vous nous dites j'ai envie d'écouter ça. Bon, un titre Fun Radio de préférence. Voilà, hein. Parce que tout ce qui voilà. est Johnny Hallyday, ça voilà. nous arrange pas un, des masques. Un petit De Palmas, ce serait relou, tu vois. Mais sinon, vous nous dites, et il n'y a pas de souci, on vous le passe sans problème. Allez-y, appelez-nous. Amir des réseaux sociaux, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va les filles, salut Marion, salut. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles toi? Ah, parce que vous savez, en ce moment on a un petit stagiaire qui s'appelle Rémi. Et puis il y a Ryan de Lovin Fun qui est venu nous déposer l'iPad là, pour le Snapchat de l'émission. Ouais. Et je sais pas ce qu'il y a. Ils sont arrivés en même temps. Mais il y a une odeur, mais il y a un des deux qui a lâché une caisse. Ah, c'est sympa. Et les deux se regardent en mode je sais pas qui c'est. Et du coup là il y a une odeur nauséabonde. Ah vous dégoûtez les gars, c'est pas possible. Franchement les mecs. Ah non, mais vous voyez pas que vous êtes dans un studio de meufs en plus là les gars. Ah ouais. Regarde, en plus, t'as vu comment ils se regardent? Ouais. Il y en a un qui a lâché une caisse vraiment. Ah, en plus, vous avez deux gros boules tous les deux là. Ah, bah ça n'a rien à voir, Amy. Ouais, ça, excusez-moi attends, de ce propos. C'est plus facile que ça, c'est méchant par contre. Bon, bah sinon, les filles, ça va super. Je suis parti voir encore la vidéo, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment rigolé sur la vidéo Marion Enso Opération Gaming. La dernière vidéo qui a été mise en ligne, oui. on a joué à Silent Hills. Et eh ben, je n'arrive pas à me lasser des captures d'écran. Non, mais c'est vrai. Et je fais des pauses sur cette vidéo. Si vous l'avez pas vue encore, allez la voir. Alors, sur YouTube, Marion Enso. Par contre, hier, tu nous as promis un visuel avec ouais. un assemblage de toutes les captures ouais. d'écran. J'aimerais bien savoir quand est-ce qu'on le balance. Eh ben, en fait, je suis dessus depuis un moment. Mais oui, d'accord. Ouais. Merci, Amir. Et non, mais je vais essayer de le balancer là tout à l'heure. Bah, ça prend au moins 24 heures, hein, cette histoire. Eh bien plus, madame, parce que tu ne sais pas où ça va. Ouais. Eh bien, mets-toi-y tout de suite. Mano Alaria, bonsoir. Ah, bonsoir, les filles. Ça va? Ouais, bah j'ai mis une petite annonce sur Le Bon Coin pour trouver des filles à Ibiza. Pour l'instant, j'ai rien. Mais sur Le Bon Coin, mec, c'est hyper chelou. Et il y a que Anso qui arrive à faire ça. C'est un truc de mal. En plus, elle arrive à trouver des Français là-bas, ouais. tu vois. Des gens qu'elle genre... connaît. Ouais, des gens qu'elle connaît. Des blanches déjà testées. C'est même des Nantais. Arrête. Non, mais t'es forte, franchement, ma meuf. Non, mais arrêtez. Évidemment, je vais pas aller. Je vais rester avec vous. Oui. Enso Standard, bonsoir. Bonsoir, les filles. Excuse-moi, Mano, t'as pas une alerte mytho, non? Parce qu'il va falloir qu'on la crée un jour. Ouais, on va la faire. Ça va, Enso? Ouais, ça va super. J'ai hâte d'être à demain parce que l'Italie joue. Oui. Et donc voilà, je suis pressé. Il joue contre qui l'Italie? Je sais plus. Ah bah voilà, le mec il est vachement calé quoi. Alors attends, parce que aujourd'hui c'était l'Allemagne, non? Ouais, Allemagne-Pologne. Ouais. Ils ont fait combien? Là il y a 0-0, on a la mi-temps là. D'accord. Et vous êtes pour qui dans l'équipe? L'Allemagne. L'Allemagne? Bah disons que les Allemands, voilà. Moi je suis pour la Pologne parce que les Allemands ils sont déjà champions du monde, donc faut en laisser un peu pour les autres quoi. Exactement, je suis voilà. avec toi. Mais voilà, Team Pologne. Team Burr. Pologne. Bon, la première auditrice de ce soir s'appelle Céline. Est-ce qu'elle a un truc bien à dire? Bah ouais, elle a un truc de ouf. Elle a une stagiaire apparemment dans son travail qui l'a fait chier, ou il y a un truc avec l'odeur. D'accord. C'est parce que c'est pas pareil quand même. Très bien vendu, Enzo. Bonsoir Céline. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, merci. Ah mais alors, est-ce que c'est toi qui m'as envoyé des MP sur Twitter? Ouais. Concernant effectivement un problème d'odeur, raconte aux auditeurs ce qui t'arrive. Donc en fait, ben déjà je suis vendeuse en boulangerie, donc contact avec les clients, tout ça, tout ça. Mm-hmm. Et donc j'ai une stagiaire depuis lundi, et en fait ben depuis lundi elle a toujours le même fringue quoi. Donc, les mêmes fringues. Ouais. Donc les mêmes sous-vêtements, parce que ben quand elle se baisse on voit sa vieille culotte rose dégueulasse. Oh non. Et l'odeur, ben j'en parle même pas quoi. Non mais attends, on ne peut pas garder 3 jours ou 4 jours de suite la même culotte, c'est pas possible. Bah même 2 jours de suite. Tu dois jeter le string, ça doit coller au mur. Mais non. Même 2 jours de suite, c'est pas possible. Hein. Non, 2 jours, c'est pas possible. Ah non, c'est dire une nuit quand vous dormez avec, mais n'importe qui, mec, meuf. Hein, à la limite, le jean, ça me choque pas. Mais qui dort avec le même slip qu'il a porté toute la journée? Bah, il y en a parfois. Qui le font aussi. Bah oui. Ouais, je l'ai déjà fait. Hein, moi aussi, j'ai déjà fait. Oui. Je garde mon slip de la journée pour dormir. Ouais, excuse-nous, monsieur propre, là, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Non, mais je sais pas, moi je dors nu, moi. Bah oui, mais toi, mais voilà, bah, cochonne jusqu'au bout. Ouais, ouais. Ah, mais la mec, c'était moi, si jamais quelqu'un arrive. Ça n'a rien à voir. Demandons aux auditeurs, tiens, sur Twitter, c'est comment ils dorment. Voilà, ouais, demande-leur, fais un sondage, ça va faire très évoluer ça. Est-ce que vous gardez la même culotte ou pas la nuit? Ouais. C'est bien. Mais non, mais c'est une vraie question. Et du coup, Céline, l'odeur, on n'y est pas, quoi? Non, pas du tout. Et du coup, bah, je sais pas trop comment lui faire comprendre. J'ai déjà pensé à lui foutre un déo dans son casier, mais. Non, c'est trop... Le truc, c'est qu'elle bosse dans la vente, donc c'est quand même hyper important, tu vois. Non, mais voilà, c'est par rapport au client, surtout, quoi, tu vois. Tu vas lui acheter des fringues chez H&M, bah non, et tu lui tends le sac et tu lui dis, tiens, j'ai trouvé ça par terre, peut-être que ça peut servir. Moi, je pense qu'il faut être cash, hein. Faut lui dire, écoute, voilà. Non, parce que les cheveux gras, ça y va aussi, un pire qu'Anne 2, je pense. Tu lui dis, chérie, tu lui dis, ou alors ta supérieure, je sais pas, vous prenez le supérieur hiérarchique, il faut qu'il lui dise, voilà, on est dans un domaine. Faut faire attention. Le pire, c'est qu'il le sait et il me dit, mais dis-lui. Mais bon, et ben, tu vas. Que je lui dise, moi. Tu vas. Céline, c'est ta mission. Il faut qu'il aille, tu y vas et tu lui dis. Et tu filmes. Tu lui dis tout simplement, voilà, il faut absolument que tu changes tes habits. Pour l'image, c'est important tous les jours. Il faut qu'on soit clean à mort. Je compte sur toi. Voilà. Dis-lui gentiment, ça va passer. Parce que t'as vu le pull que je t'ai envoyé? Oui, sur Twitter, j'ai vu. On est sur une alerte horrible. Hein. Ouais. En plus, il est moche. Oui. C'est un pull avec plein de smileys dessus. Je sais pas si je peux le partager. C'est un peu la honte pour elle. Non, je le partage pas. Peux, bon, si, allez, on partage. On allez, croquer. On partage sur Marion Enzo. Vous allez voir, c'est une catastrophe ce pull. Avec un pantalon rose flash. Hein. Merci, ma Céline, de nous avoir appelé. Bon courage. Tu nous tiens au courant. Hein. Merci beaucoup. Oui, bah ouais, bien sûr. On t'embrasse. D'ici là, je suis pas intoxiquée. On t'embrasse, Céline. Bisous. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on va parler des techniques de drague les plus pourries. Parce qu'en fait, ça fait quelques jours que Marion me ramène à la maison le soir, et qu'avec Marion, on a décidé, enfin, j'ai décidé de mettre en place la technique de drague du beurre. Voilà, voilà. Le but étant de se filmer en train de hurler beurre face à un garçon. Voilà. Je vous cache pas que ça marche pas. On vous a mis tous les snaps qu'on a pu faire avec Marion sur notre page Facebook Marion et Anso. Sur Fun Radio, allez voir tout ça. On en parle avec vous là, 01 42 48 5000. Quelles sont vos techniques de drague? On se retrouve après Calvin Harris et Rihanna sur Fun. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. C'est Marion et Enzo. Je sais que demain c'est l'épreuve des langues là pour tous ceux qui passent le bac. Donc on s'est dit avec Enzo, petite révision rapide. Enzo. Oui. Alors dis-moi. Oui. Hola. Comment estás? Está ella la camisa negra. Oh non. arrête. Hello. Hello Marion. How are you, Anne Sophie? I'm trop mal. Non mais c'est trop nul. C'est pas possible. Non mais ça va. C'est I'm fine. Thank you. I'm good. Voilà. For inquiétude. Okay. Anso, yes. What do you do in Ibiza next week? Ah, oh, yes, I'm gonna fuck. Voilà, magnifique. Tu me vends du rêve, chérie. Bon, on va parler technique de drague avec vous dans un instant. Manu, est-ce que tu as le son d'un de nos snaps qu'on fait avec Marion quand on rentre de la radio le soir? Ouais, j'ai chopé ça. Vas-y. Ça, c'est un beurre. Voilà. D'accord. Le gars est horrible. Ouais, le gars est immonde et le gars m'a dit un gros dégage alors qu'il était dégueu. Donc on essaie de draguer en beurre et on vous demande à vous quelles sont vos techniques de drague. 01 42 48 5000, mais attention, on veut de la technique pourrie. Et attention, on va se tester dans l'équipe, on va se faire une sorte de téléphone rose, on va appeler n'importe où en France et va falloir draguer. Allez, bougez pas, restez là. Hey guys, the radio of Kygo is fun radio. Aujourd'hui, vous les entendez partout. La première fois, c'était sur Fun Radio. Martin Garrix. Imani. Era Istrefi. La radio où démarrent tous vos tubes préférés. C'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toute-une-armée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Fun Radio soutient l'établissement français du sang. Savez-vous qu'en moins d'une heure, on peut sauver une vie, ou même plusieurs? Alors venez, on a besoin de vous. À l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, célébrez la vie et donnez votre sang. Pour savoir où donner, rendez-vous sur jedonnemonsang.net. De 22h à minuit, Marion et Anso font leur night show sur Fun Radio. C'est quoi la technique de drague la plus pourrie qu'on ait osé vous faire? C'est la question qu'on vous pose ce soir dans le night show. Moi, je peux vous dire la mienne ou pas? Ah bah oui, vas-y. Une fois, il y a un mec, alors je crois que c'était dans la rue. Je sais plus si c'était pas le pote d'un pote. Enfin bref, je sais que ça s'est passé sur un trottoir. Et le gars m'a dit, t'as vraiment du charme, j'ai envie de te bouffer le cul. Sur le coup, j'ai trouvé ça un peu cash. Mais attends, un peu direct. Mais c'est quoi ce gros beauf? Tu lui as répondu quoi du coup? Bah, je lui ai dit, écoute, laisse-moi au moins retirer ma culotte. Mais non, évidemment, j'ai rigolé parce que c'était tellement surprenant. Et je dis non, évidemment, mais j'ai trouvé ça. Voilà. Cela dit, moi je trouve ça plutôt drôle d'y aller comme ça en frontal très cash. Je me dis, le gars il a forcément grave de l'humour quoi. Surtout, il commence doucement, tu vois, t'as du charme et tout. C'est pas genre t'es bonne et tout. Tu vois. Et après, bim, il m'a achevé. Enfin voilà, je trouvais ça sympa. Moi aussi, je trouve ça quand même plutôt drôle quoi. T'en as une toi ou pas, Anso? Bah non, moi, ma technique de drague à moi en tout cas, c'est. Je hurle burr, la technique de burr. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On a Léna de Paris qui nous a appelé au standard. Bonsoir Léna. Bonsoir les filles. Comment ça va? Ça va super. Est-ce que tu voulais nous raconter une technique qu'on t'a fait ou que toi t'as fait peut-être, hein? Bah disons en fait que j'ai créé un petit album de tous les crétins, de toutes les techniques de drague toutes pourries qu'ils ont essayé de me faire en fait. Et donc il y a quoi dedans? Alors, les deux principales, c'est... Alors, le mec, je cite mot pour mot ce qu'il m'a dit. « Bonjour madame, je vous prie de m'excuser par avance de vous déranger, mais j'aimerais sincèrement vous bouffer la chatte, s'il vous plaît. » Mais non, ah, c'est dur, mais arrête. C'est dur, en plus, il ajoute très cordial et bim, le côté trash, quoi. C'est le gros lourd vraiment poli, tu vois. Et d'accord. Du coup, t'as répondu quoi? Je sais plus, je lui ai dit ouais, gros lourd, quoi. C'est bien. Ouais, c'est une bonne voilà. réponse. Et je pense que le deuxième, il est pas mal aussi. Il me fait « Bonjour, je veux bien te niquer, mais je suis pas un poète, mais je suis respectueux. » Ouais, ouais, franchement. Bah, dis donc, toi, tu les collectionnes, ouais. Léna, globalement. En même temps. Bah, ça, c'est sur les sites de rencontres. Ouais, donc, c'est ce que j'allais dire. Les mecs sont pas forcément... Avec Tinder voilà, et tout, les gars, ils se sentent pousser des ailes. Ils se disent « Je tente, on sait jamais. » Je sais pas, moi, je suis jamais tombée. Pourtant, je suis vachement sur les trucs de rencontres. Je suis jamais tombée sur des mecs qui parlaient comme ça, hein. Ah, t'es tombée sur des mecs crus quand même, Anso. Oui, je suis tombée sur des mecs crus. Ah, bah mais je suis pas tombée sur des mecs qui amorçaient la conversation comme ça, quoi. Ah non, un bonjour, ça va. Et après, on y va, quoi. Merci de nous avoir appelé, Malena. Pas de soucis, gros bisous. On t'embrasse. Bisous. Il y a Guillaume aussi qui est là de Montélimar. Bonsoir, le Guigui. Bonsoir, les filles. Bonsoir, Anso. Salut, Marion. Bonjour, toute l'équipe. Salut, Guillaume. Ça va? Ça va, ça va. Vas-y, dis-nous, c'était quoi ta technique, toi? Alors bon, moi je suis homo, donc c'est vrai que du coup c'est avec les hommes. Ouais. Alors c'est vrai que ça va être mon petit chat, j'aimerais bien le caresser. Ça va être oh le joli cheval, j'aimerais bien le monter. La lourdeur des gars quoi. Non c'est pas possible. Mais est-ce que c'est toi qui fais cette technique là ou est-ce que c'est les garçons? Non c'est moi, je suis un gros dragueur, je drague tout ce qui bouge. Mais et tu dois pas choper beaucoup du coup Guillaume? Ça arrive. Ouais, et avec sa technique de j'aimerais bien du monter. Du cheval. Oh là là, c'est pas possible. En tout cas, ça te fait marrer. Ouais. C'est cool. Il faut changer ça, Guillaume. Non, mais il faut sortir des animaux, Guillaume. Hein. Ouais. Faut faire autre chose, quoi. Ok? On arrête. Ça marche. On t'embrasse. Des bisous, les filles. Bisous à toi. À bientôt. L'équipe, je vais vous proposer des techniques. Vous allez me dire si vous craquez ou pas. Ouais. Ok? D'accord. On y va. Tu craques ou pas, Anso, un mec que tu connais pas qui vient t'aborder avec des fleurs? Ouais, peut-être. Mais j'aime pas, moi, les fleurs. Je trouve ça gnangnan. Oh, t'es dur. Je suis pas sensible aux fleurs, moi. C'est romantique. Ouais, mais je trouve que c'est trop cliché. Amir, tu craques ou pas, une meuf te sort, j'ai flashé sur toi à la seconde où nos regards se sont croisés. Enfin, elle, ses sourcils, du coup. C'est un peu ringard, mais c'est mignon, je trouve. Ouais, non, je peux craquer, ouais. Ok. Anso, si un mec te dit ton père est pas fermier, non, parce que t'es une belle cochonne. Non, alors, je te le dis, ça me fait vraiment marrer, hein. Ouais. Je te promets qu'un mec qui me dit ça, ça me fait marrer et ça me donne envie d'engager la conversation. Ah, complètement. La prochaine, tu vas me dire, si ta jambe gauche c'est Noël et que ta jambe droite c'est le nouvel an, je pourrais passer te voir entre les fêtes. Elle est géniale celle-là. Non. Je l'adore. Mais c'est pareil, moi ça me fait rire. Hein. Amir, si une meuf t'envoie des toffes d'elle dénudées, tu craques ou pas? Ou tu trouves que ça fait te pu? Mais comme ça, à brûle pour point, sans avoir discuté? Ouais. Bah, c'est mort. Ça, c'est soit un plan cul, soit c'est mort. Soit c'est un fake. Ouais. Toute l'équipe, si quelqu'un vous dit excuse-moi, je suis perdue, tu peux m'indiquer le chemin qui mène à ton cœur. Oh non, alors là, pas d'accord, non, d'accord. Pas possible. Amir, si une meuf te dit je suis pas proche de la nature, mais j'ai un faible pour les glands. Non, on est d'accord, ça passe pas ça. Ah non. Non, ça passe pas. Dégueulasse. Anso, si un mec te dit je suis pas chinois, mais je te boufferais bien la chatte. Non, mais c'est pas possible ça. C'est limite raciste. Ah ouais, non, mais c'est pas possible. Ça passe pas non. Celle-là. Si un mec te dit Anso, tes yeux sont si profonds qu'on peut y voir le fond de ta chatte. Non, non mais arrête, c'est pas possible. Ce sont des vraies phrases, hein. Non, je mais pas personne inventé. Ne dit ça, c'est pas possible. Moi, je trouve ça ultra violent. Tes yeux sont si profonds qu'on peut y voir ta chatte. Ouais, c'est dur. On a Chloé de Lille qui nous a appelé. Bonsoir, Chloé. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Anso. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, ouais. Chloé. Ça va? Ça va. C'est quoi alors ta technique à toi? Ben moi j'ai pas spécialement de technique, mais c'est un garçon un jour qui m'a abordé dans la rue et qui, je pensais qu'il allait me demander son chemin, ou il m'a dit non, ton père est un terroriste. Ah non, pas celle-là. Mon père non, et donc sur le coup j'ai un peu réfléchi quand même parce que je me suis posé des questions avec ce qui passe entre enfin en ce moment. Il m'a dit non parce que t'es une bombe. Ouais non, je sais, celle-là elle est horrible. Et alors je vais te dire que c'est, il y en a un à la radio qui l'a fait tout le temps. À chaque fois que je vais lui dire bonjour, c'est JB qui fait le 16-20. Oh, à chaque fois que je rentre dans le studio pour lui faire un bisou, à chaque fois il me fait mais ton père n'est pas terroriste, mais mec, arrête quoi. C'est pas possible quoi, tous les jours. De toute façon, lui, c'est soit Jerem Star, soit le terroriste. C'est ça. Mais il est ringard de mille en fait, ce mec. Attendez, parce que je viens de faire tomber un verre d'eau sur tous les boutons du studio. Allez, vite. Ouais, vite. Mais allez, faites quelque chose. Attendez, on est sur une alerte matos qui marche plus. Hein. Ouais, c'est ça. Merci Chloé de nous avoir appelé. Merci à vous, bonne soirée. Bisous, on t'embrasse. Élodie de Lyon qui est là aussi. Attends, Mano, ça va? Coucou. Oui, non, mais c'est bon. Rattrapable. Oui, c'est... Ok, ça va, Élodie? Bah oui, très bien. Alors, est-ce que toi, t'as vécu une phase de drague comme ça improbable? Ah ouais, j'ai un gars qui est venu m'aborder en boîte pour me dire « Hey, mademoiselle, j'ai un problème. » Je fais « Bah, quoi ?»« Eh ben, mes yeux sont bloqués sur toi. » Bah, ça va, ça. Bah, oui, bah, non. C'est sympa. Je m'attendais. Et sur ta jeune. Bah non, parce que du coup, j'ai dit « Mais vas-y, bah, c'est quoi ? Bah, débloque-toi et puis va regarder ailleurs. Hein. » Bah ouais, mais il était pas ringard. Il était plutôt sympa, je trouve. Non, et franchement, moi, non, je trouve que c'est... Non, c'est la façon dont ça a été dit. Franchement, c'était pas terrible. Et puis, j'en ai un autre aussi. Mais alors, lui, c'était le lourd, mais en plus, qui a tenté le jeu de mots pourri. Ouais. Qui me dit... je sais... comment, attends, comment il m'a dit ça? Ah oui. Je sais que ton père travaille chez Nintendo parce que t'as un corps de DS. Oh, ouais, c'est dur. C'est pourri, ça, quand même. Ouais. Ah ouais, non, c'est pourri. En fait, les phrases toutes faites sont toutes pourries. Il faut être original, c'est ça, la clé. Ouais, il faut être drôle surtout. Faites-nous marrer, quoi. Tu sais quoi ? Merci de nous avoir appelé, Elodie. Eh ben, de rien, gros bisous à vous. On t'embrasse, chérie. On va se faire un petit test pour voir comment on s'en sort dans l'équipe. Je vous explique, okay, à la manière d'un pourquoi tu m'appelles, deux personnes vont s'affronter sur la drague. On va devoir, chacun notre tour, appeler au hasard quelqu'un en France et le draguer. C'est celui qui tient le plus longtemps qui a gagné. D'accord. On joue sur qui ? Anso, direct ? Bah, toi et moi. Mais moi, je suis nulle en drague. Hein. Ouais, battle toi, de filles. Non, t'es forte. Ouais, allez, avance. Ah, moi, je suis forte, ça dépend, les gars. T'en as fait. Bon, allez, on appelle au hasard. Toi, t'as l'expérience, toi. Tu commences ou je commence ? Comme tu veux. J'y vais. Vas-y. C'est chaud. Ouais, surtout si je tombe sur un vieux ou sur une femme, quoi. Bah oui, mais faut. C'est le test. Oui, allô ? Allô ? Allô ? Waouh, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, excuse-moi. Alors, je me permets de t'appeler. Allô? Oui, je t'appelle parce que je t'ai. En fait, on s'est croisés aujourd'hui. Et oh là là, je me doutais pas que t'avais une voix comme ça, mais t'as une voix charmante. C'est qui? Bah, je suis justement quelqu'un qui t'a vu. Si tu permets, j'aimerais bien garder un peu le mystère. Je voulais juste te dire, c'est un appel complètement désintéressé. Je te trouve hyper jolie. T'as vraiment beaucoup de charisme, beaucoup de charme. Et voilà, je trouve que t'es quelqu'un qui dégage un truc incroyable et je voulais que tu le saches. Ouais, je sais que... Par contre, ça va pas le faire du tout. C'est je pas sais, je sais, mais il est 22h25 et voilà, j'avais envie que tu le saches. Donc, bah, prends tous ces compliments et sache que t'es une fille super. Voilà. D'accord, merci. Bah, je t'en prie, ça avec plaisir. Allez, je peux te bouffer la chatte? Je tente le tout pour le tour. Je veux savoir qui c'est. Ouais. Non, mais c'est une fille qui a craqué sur toi, voilà, tu vois, je me dis, bah, peut-être qu'il y a moyen. Allô? Oui, ah, salut toi, ça va? Oui, salut. Bah voilà, je voulais juste te dire que je t'ai croisé aujourd'hui. Et j'avais vraiment ouais, très envie de te bouffer le cul. D'accord, bah, c'est ouais, marrant ça, c'est bien. Bah ouais, je sais, ouais, ouais. C'est quoi, parce c'est que... un petit défi que vous faites entre potes, c'est ça? Non, pas du tout, c'est que je trouve que toi et ta copine, vous avez un truc quoi. Je sais pas si on peut s'organiser un truc, mais vous êtes juste hot. Vous avez croisé où? Bah, on s'est croisé dans la rue. Dans la rue? Ouais. C'est dommage, on n'a pas été dans aucune rue aujourd'hui. Ah ouais, vous connaissez pas de rue, ouais. Mmh. Ah non, d'accord. On n'a pas bougé chez nous, ça va être... Oh là, et le rire de ta copine, il me chamboule. Hein. Je l'entends derrière, là. Oh là là, ouf. Je sais pas ce qui me perturbe le plus. Tu mouilles, là, ou pas? Ah bah là, je suis trempée. Hein. Ah, génial. Ah bah là, on est sur un gel, là, mon pote. Et j'ai arrosé tout le monde, quoi. Ouais. C'est vrai, ça rigole bien hier. Ouais, ouais, ça rigole bien, ouais. Ouais, ouais, du coup, est-ce qu'on peut s'échanger les numéros ou c'est chaud? Non, ça va aller. D'ailleurs, quand on s'appelle comme ça, prends pas en privé, hein, fiche ton numéro, c'est plus marrant. Non, j'ose pas. J'avais peur de me prendre un râteau. Là, t'es timide? Ouais, je suis un peu timide. Ah, c'est dommage. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de ma technique de drague? Franchement? Ouais. Pourri. Ah, d'accord. Ouais, désolé. Bon. Eh ben, merci! Allez, bonne soirée, ciao. Salut! Voilà, bravo! Je vais être ridicule. Je suis tombée sur une meuf aussi. Elle roule celle-ci. Ah, attends. Et Enzo, au standard, t'aurais pu mettre des mecs, bordel. Ouais, désolé. Combien de temps, Mano, elle a fait ? C'est pas grave. 2 minutes 09, c'est ouais, non, mais les gars, moi je vais être pourri. Je suis nulle en drague. Allez, on appelle au hasard en France. J'espère que tu vas tomber sur une. Allô ? Allô ? Bah, qu'est-ce que c'est ? Bon, on en sait. Ça marche. C'est bien ça, ça commence bien. Ça me met en confiance. Ça va bien se passer. Allô ? Allô ? C'est pas possible. Oui, allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. En fait, j'ai eu votre numéro par une amie. Oui. Et on s'est croisés dans le bus il y a quelques temps. Et voilà, je prends un peu mon courage à deux mains pour vous dire que vraiment, j'ai craqué sur vous. Yeah. Allô ? Oui. Du coup, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Ah. Allez. Ah. Non mais du coup, je voulais savoir si vous aviez une femme, si vous étiez libre et si on pouvait se revoir ailleurs que dans le bus. Parce ah que... ouais, bah bien sûr, hein, sur le toit de l'église. Hein. Sur le toit de l'église? Ouais. Ben écoutez, je suis jamais contre un bon petit clocher. Ouais, d'accord, d'accord. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est qui fait une farce, là? C'est quoi? Ah non, alors déjà, j'aime pas du tout ce terme. Et moi, je trouve que vous êtes un beurre. Un vrai beurre. Un quoi? Un beurre. Beurre. Beurre. Ça, c'est la technique du beurre. C'est ma technique un peu de drague. C'est comme un pan avec sa femelle, quoi, qui ferait une grande roue. Beurre. Merde. Le pan, tu l'as perdu. Ouais, hein. C'est ça. Combien de temps j'ai fait, Mano? 1 minute 19, et victoire pourtant, de Marion. Ah ouais, merci. Bravo. En même temps, moi, je suis tombée sur un mec qui voulait mettre un clocher dans le cul. Excuse-moi, je suis tombée sur une meuf, c'est pire. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'as de l'expérience aussi, c'est pas du jeu. Oh, c'était pas mal. On se serait vraiment marré si Mano l'avait fait, je pense. Ouais, c'est vrai. Une prochaine émission, je vous promets. Ouais, s'il te plaît. On le fera, Amir. Mano, vous allez le faire pour voir si vous êtes meilleur que nous, ok? Ouais, on vous détrône direct. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, appelez-nous et restez là, puisque c'est Kemar qui sera notre invité, qui va débarquer dans le studio dans un instant. Si vous avez des questions, bah, deux solutions. Sur Twitter, tout ça, hashtag le Night Show, ou alors par téléphone 01 42 48 5000, profitez-en, en plus le numéro est gratuit. Et puis tout de suite pour le son, l'hymne de l'Euro 2016, ah oui, David Guetta et Zara Larsson sur Fun Radio. Oh bon, on l'aime ce dadou. Et l'invité de Marion et Anso dans le Night Show sur Fun Radio. Le Night Show. Night Show. Sur Fun Radio. Eh bien oui, il est avec nous en chair et en os avec un bien joli anorak. Oui, c'est vrai. Il est là. Kemar est avec nous en studio. Ça va durer des heures, hein, je me régale. Hein. Bonsoir à toi. Alors, donc, Kemar, tu viens nous voir pour ton bouquin, un énorme livre. Essentiellement, ouais, bah oui. Énorme à tous les sens du terme. Non, mais c'est vrai qu'il est très, très épais. Hein. Il est très, très lourd. Ouais. Il pèse, oui. Je suis en train de me dire, là, je vous coupe, vous connaissez pas tous les deux, dis-donc. Non, parce que la dernière fois où il était venu, j'étais sur une hospitalisation prolongée. Oui, voilà. T'étais sur un diabète. J'étais sur un diabète. Et t'étais venu avec le studio Bagel, et du coup, tu l'avais pas vu. Non. J'avais pas envie de nous voir. Et voilà. Et bah, tu vas découvrir ce et petit alors, bout de coup, femme. Comment ça se passe? Bah, je suis ravi. À première vue. Que je sois là. Ouais, quel enthousiasme. Dans les blondes, notamment ma copine qui m'écoute. Ou c'est peut-être ça. M'écoute pas. On l'embrasse d'ailleurs. Mais bien sûr, on l'embrasse. Je voulais que je lui dise à quel moment j'entrais. En plateau. Eh bah vas-y, fais-lui un petit SMS là, le temps qu'on resitue tout ça. Voilà. Pas de soucis. Donc Kemar, tu viens nous voir, le livre s'appelle Le livre dont vous êtes le zéro. Alors oui. C'est très simple, le principe, raconte-nous tout ça. Enfin, je peux le raconter en même temps. Ah si non, tu veux. Vas-y, commence parce que moi je suis nul pour raconter. Eh bah en gros, c'est un peu. Il y a un début d'histoire et à chaque fois ça renvoie sur différentes pages pour que vous continuiez vous-même l'histoire. En fait, c'est à vous d'écrire votre propre histoire, mais au début ça part mal. Voilà. Voilà. Il faut un peu bosser et faire les bons choix pour arriver à réaliser ses rêves, c'est ça? C'est ça, à la manière de Leslie. On peut s'écouter mon choix de Leslie. Vous l'avez? J'ai fait le bon choix. J'étais en train de me rappeler ce que c'était. C'est fait le bon choix. Enfin, bah oui. Je me rappelle plus moi de ce dos. C'était vieux ça. Moi, ça a bercé mon âme fan. Bon, ce livre est génial, je suis d'accord, mais moi j'ai quand même un truc. Il faut qu'on en parle, Kemar. Oui. 13,95€. Mais ça fait chier tout le monde le 95. T'en as conscience? Qui a décidé ce dos? Alors, oui, soit tu mets 14, mieux. Soit tu mets 13,90€. C'est toujours mieux que 14€. Ah, parce qu'on chiant. Économise 5 centimes. Non, mais ouais. Si tu veux le payer en liquide, c'est une galère. Oui, mais quand on accumule 5 centimes plus 5 centimes, ben, à la fin du mois, c'est énorme. Donc j'ai pensé à tous les Français qui ont besoin des 5 centimes, notamment chez le boulanger. Mais pourquoi pas l'avoir mis à 13,90€? Alors ça, c'est une très bonne question. Merci. Je répondrai, mon prochain livre, je le mettrai à 13,90€. Merci. Voilà. Et ça va. C'est gentil. Bon, je t'invite à mettre ton casque sur les oreilles, puisqu'on a de la question auditeur pour toi. Oh. On a Gabriel de Paris, 18 ans, qui est là. Bonsoir. Ouais, mon Gab. Salut Marion, salut Anso. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. J'ai l'impression qu'il y a un gimmick. Ouais. Je suis pas sûr. On ne peut rien te cacher, Sherlock. Okay. Et le prochain, tu le fais avec nous. Hein. Ok. Vas-y, Gabriel, pose ta question. Alors moi, j'avais deux questions. La première, c'était... comment prononces-tu ton prénom? Est-ce qu'on le prononce Kemar ou Kemar? Alors, c'est la question qui fait débat, notamment sur les réseaux sociaux. Dans Le Monde, aujourd'hui, j'ai vu aussi qu'on parlait de ça. Je ne peux pas répondre à ça. C'est avec mon agent. C'est vraiment quelque chose de très, très précieux qu'on garde. Il y a une forme de logique là-dedans. Oui. Non, mais c'est vrai qu'en fait, la question ne se posait pas à la base. Et en fait, je suis en train de répondre un peu à la question, malgré moi. Enfin, bref. À la base, la question ne se posait pas. Et plein de gens... On posait la question, comment... Enfin, à la base, c'est le verlan de Marc. Oui, mais on dit pas Marque ou Marqué. Bah oui. Ah. Tu vois, on dit pas donc Marque aussi, tu dis Marc. Ça devrait dire Kemar, alors. Ouais, Kemar. Ouais. Ah, ok, donc le débat reste là. C'est surtout que maintenant, on va t'appeler Kemar. Voilà. C'est plus simple, quand même. Ouais, c'est ça, t'as bien fait de venir. En vrai, tu t'en fous. Kemar ou Kemar, ça te dérange pas. C'est quand même important. Bah oui, c'est important. En donc, société Kemar. Et dans la vraie vie, c'est important de savoir comment on s'appelle. Donc, donc partons ce soir sur Kemar. Kemar. Kemar. Okay, Kemar. Voilà Gabriel pour la première question. Voilà. C'était quoi la deuxième? La deuxième c'était qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération des youtubeurs? Est-ce que tu as des noms à me citer? De quoi? Est-ce que tu as des noms à me citer? Norman, Cyprien. Et... Ah mais c'est pas la... Norman, nouvelle ça. Norman c'est un peu la même. Sortir ouais. des jeunes pépites. Des jeunes diamants bruts. Bah alors moi je peux t'en citer par exemple parce qu'on en a reçu beaucoup. Il y a Lou, il y a Sullivan, toute cette nouvelle génération dans l'humour. Alors Lou je ne connais pas. Ouais. C'est qu'est-ce qu'elle fait comme c'est un garçon. Non mais je le savais. Je vais voir si un peu. C'est un homme loup. Je vous teste un peu le petit Lou. Ok, qu'est-ce qu'il fait le bon loup? Bon, c'est du sketch. Ouais, c'est de l'humour. C'est de l'humour, ouais. Et c'est vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je ne l'ai pas vu encore, le loup. Mais il est sympa. Ouais, loup, c'est mignon, c'est sympa. Il a 14 ans, il est jeune. Hein. Ah oui, on est vraiment sur du très jeune. Ouais. Bah non, je regarde pas trop les très très jeunes. Mais je crois qu'il y a du gros talent, notamment loup. Et pourquoi tu regardes pas les jeunes? Parce que peut-être que t'es pas un psychopathe déjà. Bah oui. En premier temps. Bah déjà je regarde assez de vidéos. Enfin comment dire? Non, pourquoi je regarde pas les jeunes? Non, je sais pas. Bah, parce que ça t'intéresse pas, peut-être. Oui, bah voilà. Bah oui. Il faut quand même savoir que Kemar il a plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne. Il est dans le studio Bagel. Il sort des livres. Il peut pas tout faire. Donc ouais, voilà. C'est vrai. Voilà. Au bout d'un moment, tranquille un peu. Il faut qu'il se repose aussi, qu'il s'occupe de sa chérie, tout ça, quoi. Marion, par exemple, est-ce que tu regardes la vidéo de tous nos concurrents? Oui. Ah, d'accord. Bah oui, parce que moi je suis un peu vicieuse comme ça. Donc j'essaye de voir si on nous a pas copié tout ça. Mais on a moins de concurrents aussi que les youtubeurs. Passe mytho. Oh, puis c'est pas de la concurrence, c'est une grande famille. Voilà. Oui, voilà. Famille de la radio, on s'aime. Voilà. Voilà mon Gabriel. Voilà, et c'est possible de passer une dédicace? Bien oui, sûr, tu rigoles ou quoi? Alors moi je passe une dédicace à Stéphane. Ok, c'est t'as tout. Un ami donc hein. Voilà, non, mais j'ai pas envie d'en passer à trop de monde. Ok, et bah c'est passé mon pote. Bisous Stéphane, on t'embrasse. Bisous. Bon, les copains, on va jouer ensemble. Ah. Ah non, Mano me fait signe qu'on n'a pas le temps. Non, mais faites. Ah non, mais alors si tu veux faire ton chonchon, tu fais ton chonchon. Ah hein. Mais non, mais c'est Mano, excuse-moi. Dis, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce alors qu'il y a, Mano, faire, Mano? J'aurais bien passé un petit disque, mais ouais, bon. Et attends, et comment elle s'appelle cette émission? Elle s'appelle Mario Enzo, mais comme on va être dans la merde, on va peut-être passer un petit disque. Tu vas le délire ou pas? Bon, 01 42 48 allez. 5000, appelez-nous si vous voulez poser des questions à Kemar, Kemar ou bah, qui qu'il soit d'ailleurs. Et puis tout de suite, on écoute Jason et Sean Paul sur Fun Radio. Pass me a drink to the left, yeah. Said her name was Delilah. And I'm like, you should come my way. See that? Yeah. I already surrender. Damn good, that body's fire. You gon' remember my name. You need it, I need it. We can jump in the deep end. I wanna get lost in your life. I just wanna be close to you. And do all the things you want me to. I just wanna be close to you. I just wanna and show you the way I feel. You made my love go. Up and meet up. Get on top of me and walk up a sweat. Walk up a sweat. See, we can do it any type of way that you want. I'm thinking maybe you're the right kind of wrong. I'm saying, baby, you won't ever forget my love. You got 100 and fit it. Love how you move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me hit it, you know me not quit it. Pondy the hell like Cassie and Diddy. Me not want them, I watch me like Sin City. Full time you run the thing, me thought legit. If you don't come, give me that, would I be a pity? My girl, come me down, want see something me want in a life and then waste time. Are you with me free every day, baby? Full time when you dip on me mind. So me want you forgive it to me, baby girl, so we can play. 23h42, c'est Marion Anso, yes. Le Night Show avec Kemar ce soir, qui est notre invité, le youtubeur qui cartonne avec le studio Bagel, qui cartonne en solo aussi, qui cartonne partout et qui vient de sortir son livre. On peut le trouver où ce bouquin là, le livre dont vous êtes le zéro? Écoute, alors par contre, on a corrigé mon casque et là je m'entends très très loin. Ah ouais, alors tu vois, ça perturbe. On va te remettre le traitement. Voilà. C'est toujours le débat, les invités. Traitez ma voix, s'il vous plaît. Voilà, ils ont du mal avec le traitement audio, tout ce qui est un peu technique, on sait pas trop quoi. Tu nous dis dès que c'est bon. Ouais, ouais, ouais, on te dit. Hein. Ça va là? Ils sont très très compétents. Alors, attention. Ah, là c'est bon. Voilà, on là ça te convient. Donc oui, écoute, il est disponible un peu partout. La Fnac, par exemple. Sur internet, quoi, tu peux commander. Sur internet, oui, oui. Et, internet. Voilà. Et c'est vrai que je, comme un autiste, je regarde assez régulièrement le classement, par exemple sur Amazon. Et je dégringole totalement. Je suis en chute libre. Mais franchement, pourtant, l'idée est chambée. En fait, c'est vous le propre héros de ce livre. Et vous faites votre histoire. Et donc, vous évoluez bah, selon les choix que vous faites. Donc, soit c'est la merde, soit c'est cool. C'est plutôt sympa, ça change. Essaye de me sauver de... Et puis, à l'approche de Noël, c'est toujours sympa à offrir. Bah, c'est vrai. Ouais, ça approche à grands pas, le petit Noël, là. Non, mais tu sais, on le voit jamais venir. Puis, hop, d'un coup, on n'a pas de cadeau. Bah, achetez le livre, comme ça, vous êtes. Voilà, achetez-le maintenant, en avance. Bon, Kemar, on a remarqué que tu faisais beaucoup de parodies sur YouTube, de films, etc. Nous, notre spécialité est presque... Enfin, c'est plus radiophonique, c'est là, quand même la parodie des chansons. Oui, on est d'accord. Voilà. Je vais t'en pitcher, tu me diras si c'est vrai ou pas et si c'est des vrais sons qu'on diffuse ou pas. J'entends, d'accord. J'entends. Alors, est-ce que Homer Simpson a fait une reprise de Papa Outé? Bien sûr. Eh bien, oui, tout à fait. Outé donne à toutes, Outé donne à toutes. Alors cette chose n'est jamais sortie. Si. Cette chose est sortie sur YouTube. Sur YouTube. Eh oui. Mais genre ouais, pas dans un épisode, c'est vraiment bonus track. J'ai très très vite envie qu'on passe à autre chose. Ouais, vas-y. Est-ce qu'un mec a repris une chanson de Kenji pour sa pelouse? A repris une chanson. Ah, il a pas. Ok. Bah bien sûr. Oui, tout à fait. Ah ouais. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il n'y a pas du tout de traitement sur cette voix. C'est clair quoi. C'est horrible. Bon, troisième, est-ce qu'une fille a chanté avec sa voisine de palier la chatte à la voisine? Non. Bah non, évidemment. Mais non. Non. Est-ce qu'une vieille. Oh, c'est but. Est-ce qu'une vieille. Ah, il y a but de qui? Excuse-moi, j'ai fait n'importe quoi. Ah, d'accord. Est-ce qu'une vieille incontinente a repris Baby de Bieber? Attends, une incontinente? Une vieille incontinente, ouais. Écoute, j'ai envie de dire oui aussi. Eh bien, tout à fait. Oh. À cause d'Alzheimer, j'ai plein de trous noirs. Alors, c'est pas la bête. On est sur une erreur là. Alors. Mais où est-ce que vous trouvez toutes ces choses? On recherche, on bosse. On bosse beaucoup. Sur YouTube. Est-ce que, comme moi qui est diabétique. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tout va bien. Est-ce que, comme moi qui est diabétique, quelqu'un a parodié Gims sous le nom de Maître Pims? Évidemment. Non, pas du tout. Non, quand même pas. Est-ce que quelqu'un a parodié Colonel Rayel en parlant caca? Eh bah oui, c'est Mister Lee. Hey. Le bon Yvick. Est-ce qu'un humoriste français a fait une parodie sur un transsexuel? Oui, c'est le Flopper. Ah ouais, exactement. Je connais, je connais. Une femme avec un cadeau. J'adore. Est-ce qu'un coiffeur a fait une parodie de Joule qui s'appelle Mèche alors? Oui. Oui, c'est non. Ça. Non, bah non, les gars, complètement débile. Ah, tu vois, c'est une bonne idée pourtant. Ouais, ouais, c'est assez légal. Et enfin, est-ce qu'un certain Francis Holmes a fait une reprise de Louane en chantant Mes chers parents, je viole? Non. Évidemment que non. Je l'avais pas lu la dernière. Sinon, je l'aurais pas faite en direct, je vous le dis. 01 42 48 5000, Kemar reste avec nous. Et puis, bah, moi, je vais me faire licencier. Allez, ne bougez pas. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Allô? Allô Marine? Wow, c'est Flipper le dauphin. Marine, c'est bien toi? Est-ce que tu peux nous dire quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Bravo! 359,86 €. C'est le montant du découvert, je te paye ce découvert. Merci. Tous les matins je vous écoute et tous les matins je rigole. Marine, alors pourquoi tu me dis ça en pleurant? Parce que je suis contente. Bruno dans la radio. Bruno revient demain sur Fun Radio. Fun Radio soutient l'établissement français du sang. Savez-vous qu'en moins d'une heure, on peut sauver une vie ou même plusieurs? Alors venez, on a besoin de vous. À l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, célébrez la vie et donnez votre sang. Pour savoir où donner, rendez-vous sur jedonnemonsang.net. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio présente l'Electro Beach Music Festival, le plus grand festival électro de France. Electro Beach. À cette occasion, Fun Radio vous offre la chance de mixer parmi les plus grands DJ de la planète. Rendez-vous maintenant sur partyfun.fr pour poster votre DJ set et peut-être gagner la chance de faire la première partie de l'événement. L'Electro Beach Music Festival, les 14, 15 et 16 juillet à Port-Barcarès, avec Axwelline Grosso, Martin Garrix, David Guetta, DJ Snake et beaucoup d'autres. C'est exclusivement avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, Fun, sur iPhone. Kemar s'installe dans le night show sur Fun Radio. Elle a dit Kemar la voix. Elle a dit Kemar, donc ce sera Kemar. Qu'à Fun Radio, donc a priori c'est Kemar. Kemar est là pour son livre, le livre dont vous êtes le zéro. Et moi j'ai envie, parce que vous nous en avez envoyé là, la maison d'édition très sympathique. On va en offrir ce soir aux auditeurs qui le souhaitent, dédicacé par Kemar. Ah bah merci Michel Lafond. Donc si vous le voulez, 01 42 48 5000, numéro gratuit. Franchement ça passe bien et ça prend de la valeur. Un livre dédicacé, ça se revend. On est d'accord ou pas? Parfaitement raison. Et il faut penser à Noël qui approche. Voilà. tout ça quoi. Il y a Amélie de Lille qui est là. Bonsoir Amélie. Bonsoir l'équipe, bonsoir Kemar. Bonjour. Salut. Salut. Donc j'ai deux questions à poser. Donc, oui. La première, c'est dans tes vidéos, tu fais tout le temps des chansons sur n'importe quoi. Et donc c'est quoi ta chanson du moment où t'écoutes souvent? Alors moi, je suis très éclectique en matière de musique. Je vais un peu à droite et à gauche. Je vais chercher la tessiture sonore. Donc la semaine dernière, j'étais par exemple au Download Festival. C'est un festival de métal agressif. Donc, par exemple, Gojira, je ne sais pas si vous connaissez. A priori, vous ne le passez pas trop. Non, voilà. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, leur album sort demain. Je fais leur promo aussi parce que je bosse avec eux. Non, pas du tout. Non, mais voilà, ça. Après, je peux passer d'un Gojira à un gros Rihanna de bien agressif. Tout me va. Voilà. Voilà. Et un peu de variété française? Alors, point trop d'en faux. Ouais. J'essaie de. Non? Faut pas abuser, quoi. Pas trop fan. Pas trop d'accord, fan, ok. Bah, pas de problème, on t'aime quand désolé, même. Désolé, pardon. T'avais une deuxième question, Amélie? Ouais. De comme il y a beaucoup de youtubeurs qui écrivent leurs livres, toi, t'as mis combien de temps à le faire, comme il est quand même gros ton livre? Ouais, alors comme je disais, mais vous écoutiez pas parce que nous le disions pendant en la musique, voilà, en antenne, comme on dit dans le milieu du show business. Eh bien, je vais dire une réponse. J'ai mis à peu près 6 mois. Sauf que j'ai vraiment accéléré en début d'année parce que j'avais pas fait grand chose. Un peu comme les élèves, voilà, qui savent qu'ils ont un devoir à faire, mais dans 2 mois. Et donc, du coup, on fait rien pendant 1 mois et demi. Tout d'un coup, on se réveille, genre, ah, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Donc, ça m'est arrivé. Et donc, du coup, j'ai passé des semaines, enfin, surtout, ouais, 2 semaines pendant que ma copine était en Nouvelle-Zélande. J'ai quasiment pas bougé de chez moi. Et j'étais vraiment comme un zombie, quoi. J'avais peur de sortir chez moi, limite. Alors, je disais un bonjour au boulanger, j'étais merci d'être en vie, quoi, parce que j'étais tout seul chez moi. Bref. Voilà, 6 mois, Amélie. Ouais. Est-ce que c'est possible de l'avoir ou pas? Bien sûr, c'est cadeau, tout de suite. Oula, bah d'accord. Ah, il a choisi. Tu peux ouvrir la porte de chez toi, je suis là. En plus, il y a un psycho. Je viens de penser à un dos, c'est la fête des pères dimanche. Oh, bim ouais. Hop. Le cadeau. Plus, j'ai pas encore acheté le cadeau, hein. Ah bah franchement, ouais. Il va kiffer ton père. Voilà, on t'envoie ça à la maison, il y a pas de souci, Amélie. Merci. Allez, bisous. Non, nous en plus, hein, on en avait qu'un. Ah, ça c'est fait. Je cherchais plus à le négocier, ouais. Il y a Andy de Nantes aussi qui est là. Bonsoir Andy. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir Kumar. Bonsoir à toi. Salut Nantais. Et puis salut la team. Ouais, salut à tous. Ouais, vas-y, pose ta question. Alors moi j'avais 2 petites questions. En fait, c'était les épreuves de géo aujourd'hui, donc je vais te poser des petites colles. Savoir si tu savais le département du Cantal. Bah mec. Ok, donc ouais, j'ai une blague nulle évidemment par rapport au fromage que je me garde. Ah bah garde là. Sinon, je vais dire le 32. C'est non. Le 14 non. Attends, ça commence par un C, donc ça doit être dans les débuts. Le 15. 15 ou 16. 14, non? Non, le 16, c'est le Calvados. C'est 14, le Calvados. 14, Calvados, donc. Cantal, c'est le Cantal. Ouais, c'est le Cantal. Et c'est une bonne réponse. Ah, c'est le 14 oui. Non, c'est le 15. Ah, d'accord. Ça marche. Bon, t'avais une autre question, Andy? Et puis le département du Doubs. D'accord, mais relou. Excuse-moi, Andy, est-ce que tu serais pas un peu casse-couille? Un petit peu, ouais. Non, mais après, il a raison. Eux, ils ont galéré toute la journée avec le bac. À nous aussi. Je crois qu'ils ont demandé. Exactement. Premier sujet, quel est le département du Doubs? J'en ai aucune idée, là. Personne ne sait ça. Ça va être le 20, quelque chose, 18, 19. Ah, bien joué. 19, 20. 20. C'est le 25. C'est 25. Le 25. Voilà, pas tout à fait quand même. C'est tout ce que tu voulais savoir, Andy? Oui, c'est non, ça. Non, assume, fais une vraie question. Bah, pas loin, là. Non, bah, contre, trouve-nous un autre département. Que... Je tenais à dire que continuez votre boulot. En tout cas, Studio Bagel, j'adore, j'adhère. Et cool. Puis tu fais du bon boulot aussi et c'est vraiment cool. Voilà. Merci à toi. C'est gentil. Merci Andy. Je suis très gentil. Bisous Andy. Bisous. Des gros bisous. Et pas de livre pour toi. À bientôt. Non. Pas de livre, mais est-ce qu'on en a d'autres en vrai? On en a au bureau. Hein. Oui. En revanche, Andy, on t'envoie en week-end dans le département du Doubs. Mais par contre, je voulais en garder un, donc on est d'accord qu'on va se sacrifier. C'est ça. Bon, ouais. On va vous en envoyer. On a encore 2 livres à dédicacer pour vous, les auditeurs. Et là, on va jouer ensemble, Kemar. Ah. Puisque ton livre, on est d'accord que c'est un peu un livre à choix multiples, là, on va faire un jeu à choix multiples. Ah, ça tombe bien. Je vais donc te faire une histoire. À chaque fois, c'est toi qui vas devoir prendre des décisions en fonction, ok? Exact. Tout commence dans la rue, Kemar. Tu as super faim. T'as un bagel, dédicace. Mais il est vide. D'un côté, tu as une boucherie. De l'autre, tu as une poissonnerie. Qu'est-ce que tu choisis? On est obligé de tuer des animaux ici. Non, personne n'est tué. C'est vraiment scandaleux. Je quitte le plateau, c'est possible? Alors, il faut choisir. Alors, je vais partir sur une poissonnerie. Poissonnerie, tu dois donc manger des rillettes de thon préparées à la marocaine avec de la harissa. C'était un bon choix parce que la boucherie, c'était une tranche de jambon de poulet qui a traîné par terre. Donc, vas-y, on a vraiment fait le bagel. Franchement, il donne envie ce bagel. Hein. Oui, il y a de la harissa dedans. Merci au cuisinier. On vous filme tout, évidemment. Et il y a beaucoup de harissa dedans. Oui, il est un peu corsé. Okay, allez. Ah, désolé, frérot. Mais je pense que ça va passer. On ramène la poubelle. Enzo, il a mis la poubelle. Vas-y, un gros croc et puis on n'en parle plus. Non, mais écoute. Ah, lui, il analyse là. T'es pas allergique à la harissa ou à rien, quoi. C'est bien. Il a mangé sa poubelle. On est sur un tremblement de la personne. Comédien français. Hein. Il a mal. Pas mal. Qu'il est con. Kemar, une fois ton repas terminé, tu passes devant une salle de concert. Et là, qui tu vois? Kinvé et Patrick Sébastien. Lequel est-ce que tu vas voir? Écoute, je vais me diriger vers un Kinvé. Vers un Kinvé? Ouais. Eh ben, il va donc te demander de faire un medley a cappella de ses titres à lui. Ok, il y a une petite instru. Ah non, c'est a cappella. A cappella. Ok. Tu connais? Eh, ok. Ok. Wesh alors! Wesh alors! Pourquoi vous moquez alors que j'essaie de donner de ma personne? C'est, tu vois, tout ce qui est Mademoiselle Valérie. Ou, ah oui. J'aime être comme. Ah oui, mais putain, oui, c'est pas une blague. Je suis... Oh non! Ah, j'adore! Jules, ouais, alors Kinvé, ok. Il y a quoi d'autre? Il y en a plein! À l'horizontale. Ah ouais! Ah ouais. Madame, madame, c'était un médecin. Je te mets à l'horizontale. Il va être très fier s'il écoute, je pense qu'il met. Mais non, mais sur cette chanson, on retient que ça. C'est vrai. C'est vrai. Très belle chanson. Après t'être tapé la honte comme une daube, tu fuis jusque dans un magasin. Une fois dans ce magasin, tu te dis, tiens, si j'achetais un vêtement et que je le mettais devant tout le monde, puisque je suis blindé, j'en ai rien à foutre. À ta gauche, t'as le rayon femme. À ta droite, t'as le rayon homme. Tu vas où? À ma guise. pour amuser la galerie, parce qu'on est dans du fun. On est à la radio, on est sur Fun Radio, la radio la plus écoutée de France. Ouais. Voilà. Sur le féminisme. D'accord, tu dois donc porter un magnifique string. Oui. Qu'on va t'amener. À la Britney Spears. Par-dessus ton pantalon, évidemment, on va pas te faire ça, mais. Il est beau, le petit string. C'est un string qui normalement ne donne pas de traces quand on le porte sous des robes. C'est là où on voit les budgets de l'émission, puisque sur ma feuille, il y avait écrit un magnifique string panthère, et en fait, c'est un string noir dégueulasse. Il y a de la paillette. Ouais, d'accord, il est horrible. Je crois que ça se met comme ça. Non. Excusez-moi, je suis premier degré. Hop là, je l'enfile. Il l'enfile, plutôt pas mal. C'est la bonne taille, je crois. Noir sur noir, en plus. On est bien. C'est pas mal. Pas mal. Maintenant que tu ressembles... Je suis ravie d'être ici. C'est un vrai plaisir. Maintenant que tu ressembles à un joli transsexuel, tu te rends à une soirée mythique pour tromper ta meuf. Mais tu ne sais plus avec qui tu avais rendez-vous. Tu vois une table avec Anso et une autre avec un homme sourcil. Vers qui tu vas pour déclarer ta flamme? Il y a une table avec Fred Diefenthal ou pas? Non, je vais aller. Ou l'homme sourcil. Faute de Fred, je vais partir sur l'homme sourcil. Ah, l'homme sourcil, eh ben, c'est Amir qui t'attend. Il faut aller lui faire une petite déclaration. Il va t'attendre en se touchant les tétons pendant que tu lui parles. Voilà. Amir, hein, on est sur du Amir. Ouais, on est sur du Amir. Ouais, il t'écoute. Hein, Amir, tu es ma mire. Tu es ma merveille. Tu es ma lyre. Tu es mon amant d'Alire. Mon transsexuel. Ouais, j'aime bien quand tu dis Amir, ça. Ouais. J'aime te lire. Ouais. J'aime te voir agiter les tétons. Ouais. Tel Poséidon. Wow. J'ai un don du ciel. Oh là là. Je suis posé. Et je pointe. Tel un espadon. Oh là là là là. À tous. L'impro, franchement, canon, quoi. Magnifique. Ouais, très, très lourd. Je suis touché, là. Ouais, elle était belle, cette histoire de Kemar. Hein. J'ai voyagé. Fort, hein. On a Yann qui nous a appelé, là, au 01 42 48 5000. Il habite Quimper, dis donc. Bonsoir. Salut, salut. Et salut. Ça va, Yann? Ça va, et vous? Oui, très bien. Kemar, t'écoute, oui. Hein, tu peux y aller. Oui. Alors, en fait, tu parles beaucoup de héros dans ton livre. Et je voulais savoir, c'était quoi ton truc préféré? Mon truc préféré? C'est très bizarre ton cette question. Comment te dire? Ah, c'est ton un geek. Héros, quoi. D'accord. Ton super héros. Chiffre, le décimal, ça. Chiffre décimal. Ouais. En fait, il veut savoir quel est ton super héros préféré, tout simplement. Ouais, on en arrive là avec cette question. Ok. J'ai cru comprendre qu'on est sur Batman, un geek. J'aime bien Batman. Voilà. Et Batman. C'est aucune blague. Non, j'aime bien le côté sombre. De Bat, il a de très très beaux abdos. Très bien galbé le Batman. Photo, quoi. Ouais. D'accord. Voilà, Yann, tu as ta réponse. Hein. Voilà. Ouais. Repars avec ça, Yann. Yann, est-ce que tu es sûr que tout va bien? Oui, ça va. Un peu stressé, mais ça va. Oh, mais non, ça va bien se passer. Qu'est-ce qui te stresse? Je sais pas, elle est écoutée devant tout le monde et tout. Mais non, on est entre nous. Entre nous. C'est pas on parce que Fun Radio est la radio la plus écoutée de France. 18 millions. Ouais, oui. Et puis en tout cas, tu as été brillant. Bravo Yann. On t'embrasse, bichon. Bisous, Yann. Ouais, salut. Merci à toi. Merci. Merci. Je t'aime, Yann, je t'aime. Yann ? Oui, moi aussi, je t'aime. Non. Bon, reste avec nous, Kemar ne bouge pas, là. 01 42 48 5000, on continue de faire de la radio ensemble. Et dans un instant, c'est ce qu'on va faire. Un pourquoi tu m'appelles ? Ah, bah évidemment. Et voilà, pourquoi tu m'appelles à venir dans quelques instants avec Kemar et Benny Benassi et Chris Brown. C'est tout de suite sur Fun Radio. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying fire. Now we're burning up, not away. Yelling, turn it up, let go, let go, let go. h 05, c'est Marion et Anso, on est en direct comme chaque soir avec Kemar qui est là pour son bouquin. Et moi, ce qui me fait marrer dans son bouquin, clairement, c'est la couverture. J'aime beaucoup le livre aussi, mais la couverture, elle est archi drôle. Tu te mets pas en valeur, on est d'accord, t'as pas envie de pécho avec ça, hein. Non. C'est-à-dire que le mec est en gros zéro, quoi. Hein. Cela dit, c'est là qu'on voit que c'est pratique d'avoir un peu de gras du bide pour poser une bière, quoi. Ouais. Hyper sympa. Avec des pattes de Godzilla. Mais t'avais fumé, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Non, je sais pas quoi dire. Tu peux dire que t'as été inspiré et que voilà, c'est un non, peu... en fait, j'ai envie de. Enfin, bref, un buzz. En fait, à la base, il devait y avoir les cuisses noires et je sais pas ce qui s'est passé, mais à l'impression, ils m'ont fait ah. Et, c'est vrai. Ils ont fait. Bah, c'est bizarre, on a utilisé le bon fichier pourtant et j'ai fait ah ouais, bah, il y a quand même une petite différence. Ouais, clairement, et ouais. Ouais, vous l'avez édité à combien d'exemplaires? 40 000? Ok, ça marche. Ah merde! Voilà. Surtout que les jambes sont pas de la même couleur que le ventre. C'est des jambes de femme, hein, surtout. Ah oui. Oui, voilà. Mais c'est sympa, ça marche très bien quand même. Et le livre est archi cool, il est pas cher. Donc faites des paires dimanche. On y va, là, la Fnac, c'est pas loin, il y en a dans toutes les villes. Partout, ouais. On achète partout, et on a. Évidemment. J'en ai trouvé par terre tout à l'heure. Ah ouais, oui. On a Miguel qui est là de Melun. Bonsoir, Miguel. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Anto. Bonsoir, Kemar. Ça va? Salut. Bonsoir à toi. Vas-y, Miguel. En fait, j'ai fait tu préfères. J'aimerais savoir si Kemar préfère être chauve pendant un an ou avoir les sourcils de la mire. Alors, j'ai pas compris. En fait, le tu préfères, c'est un truc qu'on fait souvent dans l'émission. Oui. Il faut faire un choix. Est-ce que tu préfères être chauve pendant un an ou avoir à vie les sourcils d'Amir? Avoir à vie. Ouais, ils sont horribles, ces sourcils. Ouais, ça va, c'est pas dégueulasse non plus à ce point, les filles. Bah, quand même, mec. Non. Bah, non, je prends ces sourcils posés. Ah ouais? Ah, oui, je me régale. D'accord. T'es un bon. Bien le seul à avoir fait ce choix-là, en tout cas. Bon. Tu es le premier dans l'histoire du Night Show. C'est clair. Voilà, Miguel, t'as eu ta réponse à ton tu préfères. Bisous. On t'embrasse. Les filles, je peux avoir un livre, s'il vous plaît? Ah, bon, bah, ça, c'est que Marc qui décide. Est-ce que tu veux un livre? Tu veux lui offrir ou pas? Tu préfères avoir le livre? Pardon, dis-moi. Est-ce que je peux avoir un livre, s'il te plaît? Il hésite là. Hein. Ouais. Alors, tu préfères avoir mon livre ou. Oh non, le cerveau est bloqué. Bah, tu sais quoi, je te le file. Voilà. C'est bon pour toi? On te l'envoie. Merci beaucoup. Allez. Bisous. Bisous. Salut. Il y a Marie des Tempes aussi qui est là. Bonsoir, Marie. Coucou, Marie-Anne. Coucou, Comar. Bonjour à vous. Vas-y, Marie. Alors, quel est le truc le plus ouf que tu aies eu grâce à ta notoriété? Ah, c'est une bonne question, ça. De pouvoir te parler tout de suite. Oh, Burr. Oh. Ça, c'est une réponse, voilà. Burr. Oh, ça, c'est Burr. Ça, c'est gentil. Ouais. Gentil chat. Voilà. C'est vraiment ça ou on parle des cadeaux gratos, c'est tout ce qu'on nous envoie? Ah bah ouais, par contre la semaine dernière en dédicace on m'a donné un pâté. Ah, pas mal. Ça dépend le pâté à quoi. Je ne sais plus pourquoi t'es connaisseuse. Bah non mais écoute, il y a des... Non, je sais plus. Attends, pourquoi on t'a offert un pâté pour la vanne ou... Ouais. Ça c'est sympa. J'ai pas encore mangé mais je vais me régaler, ça fait plaisir. Par les temps qui courent, tu sais, c'est... Voilà Marie. Tout ça là. Le pâté et le fait de pouvoir te parler à toi et aux autres. Merci. Surtout à toi. On t'embrasse, tu veux pas de bouquin, toi? Si, s'il vous plaît. Allez, je sais pas s'il en reste. On en a plus, hein, Mano. Non, bah, si, on en a, mais Marion, t'en aura pas. Tu sais quoi, reprends-le au mec d'avant. C'est sympa, cette femme. Marie, tu sais quoi? Je t'envoie le mien. Mais non. Merci. Non, mais c'était le nôtre, déjà, t'enflamme pas. Je l'avais gardé, j'avais mis dans mon tiroir. Je vais en parler à Michel Lafont, il va vous en donner. Ouais, on t'envoie ça, Bichette. Écoute. Merci. Allez, à bientôt. Kemar, est-ce que tu es prêt pour le Pourquoi tu m'appelles? Oui. Allez, c'est parti. Pourquoi tu m'appelles? Bah, je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Oh, vous êtes qui, là? Pauvre con. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Et oui, il n'y a pas de raison. Hein. Le Pourquoi tu m'appelles, c'est tous les soirs aux alentours de 23h. Donc là, je propose une baston. Anso. Kemar. Ok. Tu te rappelles du principe ou pas? Ouais. Je te réexplique rapidement. Il faut appeler au hasard en France, dire pourquoi tu m'appelles et tenir le plus longtemps possible. Donc tu dois battre Anso ce soir qui va commencer. Et Anso, elle a une particularité. Toi, tu l'avais jamais vue. Mais elle fait la voix d'une petite fille magnifiquement bien, sauf que c'est une petite fille cochonne. Donc ce soir, Anso, tu vas devoir faire Anso 6, hein, la petite fille cochonne au Pourquoi tu m'appelles. Salut, d'accord. Ok. Ok. Tu commences, Anso? Ouais. Allez, on y va. Ta gueule. C'est parti. Tu me vends du rêve, chérie. Hein. Ouais, bah attends. De la cochonnade, en veux-tu, en voilà. Je m'auto-mets mal à l'aise quand je fais ça. C'est que Marc qui s'y colle dans un instant. Ne bougez pas, ça va être sympathique. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, pourquoi tu m'appelles? Je t'appelle pas, là. Je crois que c'est une erreur. Ben non, j'étais avec mon grand frère, il était en train de me toucher les gougouttes. Ouais, et je voudrais savoir pourquoi tu m'appelles. Ah non. Ah non, on le rappelle. À chaque fois, c'est chaud aussi. Non, on le rappelle, lui, il avait l'air gentil. Trop agressif. On le rappelle. Vous le rappelez vraiment? Ah oui, attends. Ce sont les chèques. Hein. Non, t'as pas. Ça marche. En tout cas, t'es optimiste. Ah, c'est moi là qui m'y colle? Non, t'inquiète. Aïe. Allô? Allô? Allô? Oui. Mais pourquoi tu m'appelles à la fin? Mais c'est toi qui m'appelles, qu'est-ce que tu me dis? Bah non, mon téléphone est bien sonné. En plus, t'as un numéro masqué là, c'est quoi ça? N'importe quoi, méchant chat. Ah si, t'as un numéro. Si, si. Est-ce que, par exemple, tu aurais des capotes ou grenadines, s'il te plaît? Ouais. On va faire une chose. Écoute-moi bien, tu vas me passer tes parents? Non, j'avais une autre question avant de vous passer papa. Est-ce que tu peux m'aider à mouiller ma petite culotte? Passe-moi. Donne-moi tes parents là, je vais parler. Je te passe papa, il sent méchant chat. Donne-moi ton père là. Rends-moi cet iPhone 7. C'est quoi ce langage là? Allô monsieur? Oui. Oui, vous pourriez surveiller vos enfants? Pourquoi donc? S'il vous plaît. Vous me donnez des conseils? Des ordres? Vous voyez l'heure qu'il est? Quelle heure est-il? Vous voyez pas l'heure qu'il est? Non. 11h. Ah, 11h. Parce que là, je suis à l'heure américaine, en fait. Je suis sur un business. Oui, attendez, oui. Je vous rappelle, parce que j'ai du guetta sur le on fil, là. On n'est pas tous à l'heure américaine, monsieur. Donc, tenez vos enfants, s'il vous plaît. Oui, ok. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est cela. C'est fini. Il est parti. Bravo. Ah, vous avez été bons, les deux, là. Bravo. Ah, franchement. Non. C'était pas merci, mal. Merci, papa. Combien de temps ils ont fait, les deux, là, Mano à l'area? Au cumulé, 1 minute 20 avec c'est les beau, deux appels. C'est, putain, pas dégueulasse. Fort. J'ai quand même envie qu'on s'entende un Kemar tout seul. Ouais, bah oui. Allez, on y va. Allez, fort sur toi. Bonne chance. Bon, je vais tenter un perso aussi. Ok, vas-y. Je vais tenter un Paco Lopez. D'accord. Vas-y. Il y croit pas du tout, c'est ça que j'adore. J'adore ce mec. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, pourquoi vous m'appelez? Non, je vous ai pas appelé, mon téléphone vient de sonner. Ah non, il y a un quiproquo parce que moi aussi ça a sonné, donc je réponds du coup. comment ça se passe au niveau du film. Après, ça, on peut faire connaissance. On peut rester dans la politesse et dans la séduction un peu. Par exemple. Ça arrive de partir à la découverte des gens comme ça, d'avoir des bonnes surprises. Oui, enfin. Donc vous dites que je vous ai appelé, c'est ça? Oui, bah peu importe, on oublie. Hein? Voilà, je m'appelle Paco Lopez. Je suis dans le X-Business. Je fais un peu des vidéos un peu à caractère un peu rose, mais est-ce que ça vous dit des choses, ça? Ça vous parle un peu? Le côté touché un peu? Un peu humide, un peu suave? Ça vous parle? La romance? Non, ça me dit ça rien. Ça peut vous intéresser? Je peux vous balancer une brochure peut-être? Ma revue? C'est sympa, pourquoi pas? 300% X? Ça vous parle ou pas? Non, du tout. Bah écoutez, je vais vous l'envoyer d'ici peu avec un petit colis, des petites surprises, et puis on peut se rappeler et pourquoi pas se mettre à l'aise. Qu'est-ce qu'on en dit? Attends, mais déjà, le mot brochure, moi j'aime tellement ce mot. Ah, mais j'adore parce qu'en général, on tombe sur des gens qui s'énervent et tout. Alors là, on était sur de la douceur, quoi. Bah oui, complètement. Bah oui, mais il y a des gens gentils. Ça, c'est hein. Pas cool. Après, je m'entendais bizarrement. J'ai peut-être eu des fluctuations de voix. Ah non, mais c'était génial. Combien de temps il a fait? Bah 1 minute 15, mais quoi qu'il arrive, Kemar a gagné. Ah bah bravo, Kemar, bravo. Ouais, bravo. Et tu sais quoi? On t'offre ton livre dédicacé. Ah ouais. Voilà, c'est pour toi, c'est cadeau. Un gros son. Ah ouais, alors ah oui. Tu l'as parce que ah Kemar, oui, il voulait l'écouter. Il voulait nous faire écouter un son que tu as fait toi-même. Alors je l'ai fait depuis hier, je suis dessus. D'accord, grosse prod donc. C'est une prod Ibiza. Ouais. Alors je vous préviens, il y a zéro van. Hein. C'est juste Vas-y. Le cliché du gros hit dance floor. Est-ce que c'est connecté? Ouais, c'est connecté. Et c'est parti. Et ça ne marche pas. Ah ouais. Et c'est parti. Et ça s'appelle comment alors? Alors il n'y a pas encore de nom. D'accord. Pour l'instant, le dossier s'appelle Summer Hits Bounce. Voilà. N'hésite pas à faire monter les watts. Ça va monter très vénère, attention. Tire. 300% plaisir. Digi Santos va régaler sur Fun. Est-ce que vous êtes là? Ok. Le son monte. Here we go, bounce. Et ça passe, hein? Et on va se quitter là-dessus. Merci à tous. Merci d'invitation. Mais non, mais sans vanne, t'as fait un titre Ibiza aussi, je crois. Ouais, ouais. Mais que j'aime beaucoup, qui est très drôle. Le Ibiza. Ah non, celui-là, c'est quelqu'un qui me l'a remixé. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais il est bien quand même. Ouais. Il est multicasquette, ce garçon. Il fait de la musique, il fait des vidéos YouTube, il est dans un label et en plus maintenant, bah quoi, il sort du bouquin. Exact. Bravo, oh là, franchement. Il est énorme. Bon, en tout cas, pensez à la fête des pères, à Noël, à tout ça qui arrive. Vous retrouvez le livre de Kemar, le livre dont vous êtes le zéro, qui est complètement disponible. Et alors, sache Kemar que nous allons recevoir dans un instant Kungs. Oui, le DJ. Le DJ, le plus chazamé au monde, quand même. C'est un truc de ouf. C'est pas ce morceau qui est le plus chazamé? Non, c'est pas lui. Attends, remets-le maintenant. C'est raté. Non, c'est pas lui. Et justement, il faut qu'on demande à Kungs son avis quand même sur ce titre. Oui, voilà. Je voulais juste son avis en tant que connaisseur. Alors, bonsoir. Kungs, bonsoir déjà. On s'écoute la fin. Vas-y. Est-ce que tu peux nous réambiancer? Et j'attends les avis. Il est beaucoup trop à fond. Hein. Il a la main en l'air en fait, ouais. Kemar là. Il a le doigt en l'air. Alors, Kungs, qu'est-ce qu'on en pense? J'adore. Ça c'est pulse, quoi. C'est ça cool. Pulse, d'accord. Non, mais en vrai, toi, t'aimes beaucoup Kemar. Ah, on nous a dit. Je suis un grand fan, moi, j'adore. C'est vrai? Ouais, je suis fan. Putain, mais c'est fou, ça, les invités qui se croisent, qui se kiffent, c'est la famille, c'est oui, le radio. Je connaissais pas le nom, mais quand ils m'ont balancé le gros hit, en effet, j'ai baissé les yeux. Tout le monde connaît Kungs. Cool. Alors, ce qu'on va faire, les gars, on va vous laisser faire connaissance tranquillement. Nous, on va faire un peu de libre antenne. Kungs, on t'accueille dans 10 minutes. Et puis, nous, Kemar, on va s'embrasser, se faire des bisous, se dire que le bouquin, il est génial, il faut l'avoir à la maison. Oui. Et on va continuer à te suivre sur YouTube et dans toutes tes aventures. Bah, bravo. Merci à vous de cet accueil très chaleureux. Oh, et merci pour ce Harissa. Mais gueule. Mais écoute, on te laisse, il y a pas de souci. Vous restez avec nous dans un instant sur Fun Radio et avec Marion, on va répondre à toutes vos questions de tout ordre, toutes les questions que vous n'osez pas poser à vos parents, à vos potes, vos cousins, vos cousines et vos papis, vos mamies, enfin tous les gens qui vous entourent quoi. 01 42 48 5000, on se retrouve juste après Mom, c'est Aloha sur Fun Radio. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've heard he's grooved. Cosmic love. 23h20, c'est Marion et Enzo, le Night Show, avec une soirée un petit peu particulière. Tout est chamboulé. On n'a plus de rubrique, on n'a plus nos marques parce qu'on a l'invité. Et ça rentre dans le studio, ça sort du studio. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, mais il y a un truc qu'on avait vraiment envie de faire, c'est le réponse à tout, parce que vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des questions là. Grave. On a, je sais pas si c'est la période des vacances, mais il y a plein de trucs qui vous tracassent. Vous n'osez pas poser les questions l'été à vos parents. Bah ouais, parce qu'on a les hormones en folie, quoi. Ouais. Donc n'hésitez pas, il est encore temps. 01 42 48 5000, numéro gratuit. Si vous avez une question avec Anso, on répond à tout. Et on a Charles de Pau qui est là. Bonsoir Charles. Salut l'équipe, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Mais en fait, moi j'avais une question à vous poser. Oui. C'est quoi la scatophilie? La fameuse la scatophilie. Bah c'est simple, hein, c'est les gens qui font l'amour et qui aiment faire l'amour avec des excréments. Voilà, tout ce qui est pipi caca, quoi. En fait, ouais, hein. Voilà, c'est ça. Se faire pipi dessus, se faire caca dessus, manger du caca, des trucs comme ça. Ouais, c'est dégueulasse pour toi, pour nous aussi, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont pas les mêmes mœurs, et ça leur plaît. Vous avez déjà essayé, vous? Ah non, je te confirme que non, mon pote. Et personne s'est fait pisser dessus? Non, jamais. D'accord. Voilà. Toi non plus, Marion. Non, mais je pensais que c'était pas si ouf que ça. Ah non, mais voilà, c'est pas du tout mon délire quand même. Bon, voilà, c'est ça la scatophilie, Charles. C'est un truc, je pense que t'essaieras jamais. Si t'essayes, en fait, c'est en toi. C'est-à-dire que c'est pas un truc que tu te dis comme un plan à trois ou quoi. C'est vraiment, faut que ça t'attire, que tu sois pas dégoûté par la chose, quoi. Ouais. Tu vois? Donc c'est un peu particulier, tu verras quand tu seras plus grand. Ok. Est-ce que je peux faire une dédicace? Oui. Bah, une dédicace, c'est à mon frère, enfin mes frères, et mon cousin qui joue avec moi à la Xbox. D'accord, et ben on embrasse le cousin. Bisous Charles. Allez, bisous. Salut. Il y a Laurie qui est là aussi de Lille. Bonsoir Laurie. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir toute l'équipe. Salut. Coucou. Salut. Ça va Laurie? Moi j'avais une question à vous poser. D'accord. Est-ce que c'est normal que je préfère ma mère à mon père? Alors est-ce que c'est normal de préférer l'un de ses parents? Bah, moi je pense que en fait c'est pas une question de préférence. Je pense que tu les aimes autant mais différemment. C'est toujours que tu dois... plus proche de l'un ou de l'autre. Voilà, c'est ça. Mais tu dois aimer ton papa pour des choses et puis aimer ta maman pour d'autres choses. Mais effectivement, si tu partages plus de choses avec ta maman, voilà. Ouais. C'est normal que t'aies une complicité un peu plus épanouie, aboutie, un peu plus forte avec l'un d'entre eux, tu vois. Toi, tu préfères qui, Marion, papa ou maman? Ben, moi, honnêtement, ça dépendait des périodes. Il y a des périodes où je me sentais plus proche de mon père, d'autres où j'allais voir que ma mère. J'ai jamais dit je préfère l'un ou l'autre. Donc je peux pas te dire. Toi, t'avais une préférence ? Non, mais même toujours aujourd'hui, moi, mon père, c'est celui avec qui je me marre de tout et je parle de bouffe et on cuisine ensemble. Alors que ma mère, c'est le côté rassurant. Je l'appelle pour tout et n'importe quoi, tu vois. Donc c'est vraiment, faut pas que tu t'inquiètes pour ça, Bichette, parce que je pense que tu les aimes autant, mais d'une manière différente. T'as l'impression d'avoir plus de sentiments vraiment pour ta mère ? Bah ouais, un peu quand même. Bah après, tu sais, il y a des familles où il y a des parents qui sont, enfin l'un des parents qui est très distant, qui a une personnalité un petit peu complexe, donc ça peut aussi s'expliquer comme ça. Mais tu ne penses pas ne pas aimer ton père non plus ? Non. Ah bon, bah voilà, tout va bien alors. Oui, t'inquiète pas. C'est pas grave. Ok, mais lui dis pas, ça pourrait le vexer. Ouais, c'est vrai. Genre avec la fête des pères qui arrive, en plus c'est pas le moment. Ok, Mallory ? Oui. Bisous. Allez, bisous, à bientôt. Bisous. Il y a Emma aussi de Poitiers qui est là. Bonsoir Emma. Salut tout le monde. Coucou. Ça va chérie ? Super, et vous ? Ouais, très bien, on t'écoute pour ta question. Moi, j'aurais voulu savoir ce que c'est qu'un backroom. Ah, un backroom. J'adore. Vas-y Anso. Merci de me balancer la patate chaude. Un backroom, comment dire ? En fait, c'est une pièce, clairement, d'où le mot room, où se retrouvent des homosexuels. C'est une pièce un peu cachée, d'accord ? Et en gros, ils font des trucs de cul dedans, quoi. Hein. Tout simplement, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est dans des bars ou des lieux comme ça pour les homos et voilà. Ça m'est arrivé d'ailleurs de me retrouver dans une backroom. C'est vrai, sans vanne en plus. Je suis allée avec un pote dans une boîte gay, on a passé une super soirée et j'ai demandé les toilettes et je me suis plantée. Mais non. Et si, si. Ah. Et je suis allée dans la. Bah, je me suis retrouvée devant des gens qui étaient en train de faire leur petite affaire. Il y a une très bonne ambiance en tout cas dans les backrooms. On est d'accord que ça n'existe pas pour les hétéros. Il n'y a pas de pièces comme ça. Si, c'est des clubs libertins, oui, quoi. Oui, mais pas dans un bar, tu vois, classique. Enfin, ou alors pas à ma connaissance. Mais moi, par contre, un backroom aussi, j'avais un de mes potes, enfin, qui est toujours homo, et qui, une fois, on s'est fait un kiff, on s'est dit, tu sais quoi, c'est ta soirée, on va dans une boîte gay. Donc, on l'a accompagné, donc il s'est éclaté. Nous, on a vraiment rigolé, parce que c'était marrant de le voir en kiff. Ouais. Et du coup, moi, je suis passé à un moment donné. Quand je dis en kiff, c'est parce qu'il s'est fait peut-être 6 mecs ou 7 mecs dans la soirée. D'accord. Et il était heureux. Ouais. Et du coup, moi, à un moment donné, je voulais aller aux toilettes, donc je passe devant la backroom. Et à ce moment-là, il y a un mec qui me jette une capote sur moi. Oh non. Et une capote sur moi pour me dire en gros, vas-y, viens. On y va. Je te défonce, elle était propre. Ouais. Ah oui, bah oui. Ah, ouais, tu sais, c'est quand même. Une capote propre, oui. Elle était propre, mais c'est un petit message. Genre, vas-y, entre dedans, tu verras, on va te faire. Et alors, t'as kiffé Amir ou pas ? Non, mais je suis entré dans la backroom. Hein. Et ah, t'y allais quand même. Ah oui, non, mais je suis entré pour voir par curiosité. Eh, les mecs, c'est pas des sauvages, ils vont pas t'attraper. Non, mais bien sûr. Évidemment. Bien ils sûr, sont mais respectueux. Après... Hein. Non, mais je suis entré, j'ai vu, et puis effectivement, je voyais des mecs. En fait, Emma, c'est un endroit où les gens n'ont pas de complexe, ils sont libérés, ils font l'amour devant les autres, c'est pas un souci pour eux, et ça concerne les homos. Voilà, pour te répondre, c'est ça. Donc, je sais pas si tu es hétéro, bisexuel et homosexuel. T'es quoi, toi ? Moi, je suis hétéro. Bon, bah, normalement, t'auras pas l'occasion d'aller dans une backroom. Ah, bah, qui sait ? Ah, bah, on sait jamais. Seul l'avenir nous le dira. C'est vrai que le côté pas de complexe, je pense que c'est un truc qui va me plaire. Mais Bichette, t'as 14 ans, et mollo. Ouais, calme-toi. Ouais. Attention, on me fait signe qu'il y a une alerte angoisse là qui est en train de résonner. Fais attention à toi, Emma, t'as le temps pour tout ça. Quoi ? Pardon ? J'ai dit, je parle au futur. Ah, bien. Ouais. Ouais, parle au futur, mais genre dans 10 ans. Ouais. On t'embrasse. Okay. On t'embrasse, bisous. Roby, je peux faire une bibi ? Allez, fonce. Je fais une grosse dédiée à tous ceux qui sont au collège La Providence. Je les aime tous très fort, même ceux que je déteste. Ok, bah on embrasse tout le monde. Bisous, ma belle. Bisous, La Providence. Il y a Thibaut aussi qui est là, de Strasbourg. Bonsoir, Thibaut. Salut. Ça va, Thibaut ? Ça va, et vous ? Ouais, très bien. T'es un peu plus âgé, t'as 17 ans, toi. Voilà, exactement. Alors, c'est quoi ta question ? Alors, c'est comment dire gentiment à ma meuf qui a plus de la gueule ? Ah ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est pas un truc que tu peux demander à tes parents, quoi. T'oses pas parler de ça à des gens. Ah bah, si. Bah non. Bah moi, mon père, je veux dire, je suis désolé, je suis deg, ma meuf, elle pue de la bouche. Enfin, il va me dire qu'il doit la quitter, lui, je suis sûr. Bah oui. Bah mais je veux dire, t'es avec elle depuis longtemps ? Ouais, 2-3 mois. Et elle pue de la gueule tout le temps ou juste récemment ? Non, assez sévère quand même. Ah ouais, mais ça c'est chaud, à dire à une nana, elle va forcément se vexer, c'est compliqué. Hein. Non mais emmène-la un rancard, mais chez le dentiste. Non, bah non, mais moi franchement là j'ai pas de solution, parce que dire à une meuf, écoute, je trouve que tu sens pas bon tout ça, de toute façon, ça va foutre la merde. Ouais. Et les techniques de je te propose des chewing-gums et tout, c'est juste éphémère, donc ça marche pas. Donc globalement, soit t'es cash et tu risques de la perdre. Voilà, après, ça peut l'aider aussi. Non, mais... Et c'est trop important. Attends, quand vous couchez ensemble et tout, comment ça se passe quand vous roulez des pelles ? Bah, genre, je garde ma respiration, quoi. Ouais, c'est chaud. Mais attends, mais moi je comprends pas que tu, enfin, que tu sois resté avec elle comme ça. Moi, c'est un truc, ça me dégoûte. Hein. C'est impossible. Après, voilà, je sais que c'est pas forcément sa faute, mais 3 mois sans lui dire et à supporter ça pendant l'amour et tout, waouh. Non, écoute, je pense qu'il faut que tu lui parles. Ouais, ne serait-ce que pour elle, de toute façon, parle-lui, mais hyper gentiment. Tu vois, tu mets en avant plein de qualités. Genre, voilà, t'es parfaite, je m'éclate avec toi, franchement, tout va bien. Par contre, parfois, j'ai remarqué 2-3 tanas. alors, je sais pas si c'est toi, si c'est moi, mais tu sais, essaye d'amener vraiment le truc doucement, quoi. Ok, ouais. Ok, okay. Ouais, c'est dur. C'est très dur. Et sinon, bah écoute, ouais, hein, je sais pas moi, tu en choisis une autre. Tu la quittes, tu quittes la personne. Essaie d'arranger le dos, mon pote. On t'embrasse. Il y a moyen d'avoir un passe de Ah oui, on t'envoie ça, il n'y a pas de souci. Bisous. Okay, merci. Bisous. Ah. Bon, restez avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, qu'est-ce qui se passe? Bah justement, tu vas nous le dire. Eh ben, c'est Kungs qui va débarquer le DJ le plus chazamé au monde. T'imagines quand c'est ça t'arrive énorme. Et qui en kiffe sur Kemar. Ah, qui en kiffe sur Kemar aussi, mais c'est un truc de dingue. Hein, je crois qu'on vit une soirée de fête. Oh, oui, là. Restez là, on se retrouve après Justin Timberlake sur Fun Radio. Mais oui, je t'aime, Justin. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. Et l'invité de Marion et Anso dans le Night Show sur Fun Radio. Le Night Show. Night Show. Sur Fun Radio. Effectivement, il est là avec nous, Kungs dans le studio. Alors je te cache pas, Kungs, qu'à chaque fois qu'un invité est là, on commence à chanter. Donc là, on n'a pas répété, je sais pas ce que ça va donner. Mais on va quand même te faire l'accueil. 3, allez, 4. Kungs, Kungs, Kungs, Kungs, Kungs, Kungs. Je savais que ça allait être ridicule. Non, ouais. C'était pas si mal. J'avais prévenu. Bon, Kungs, comment ça va déjà? Ça va, merci, et toi? Bah écoute, ça va très bien. On est hyper content de te recevoir. Ouais. Ouais. Est-ce que tu... Enfin, tu le sais, j'imagine, mais qu'est-ce que ça fait d'être le mec le plus chazamé au monde? D'avoir fait le titre le plus chazamé au monde. Et ouf. Bah c'est juste incroyable, quoi. C'est... Je m'attendais pas à ça, en tout cas. Mais il est tout jeune, il a 19 ans, t'imagines? Il débarque comme ça, bim, un tube, bim, Shazam, bim, le monde. Le talent. C'est ouf. Et nous, on l'avait vu au Fun Radio Live du Portel. Ouais. C'était vendredi dernier. Il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Ouais. Et franchement, il a mis le feu. Hein. Ouais, bah, il a mis le feu. Ensuite, on lui a parlé, on s'est dit, hé, vas-y, on se fait un kiff, tu viens dans l'émission. Ouais, c'est vrai. Ça s'est fait comme ça. Hein. Voilà. Et puis, il a trouvé un petit temps pour, dans son emploi du temps pour nous. Ça a été compliqué, hein. Ouais, mais il a réussi. Hey, il s'est déplacé de New York ce matin pour nous. C'est vrai? C'est vrai, t'arrives de New York là? Non, mais tu sais, le gars qui balance des fausses rumeurs. C'est clair. Et 22 millions de vues pour le clip This Girl. Ouais. Franchement, beau gosse. Ouais, c'est fou. Est-ce que ça met la pression pour le prochain titre ou pas? Parce que j'imagine qu'il y a un prochain titre qui va débarquer bientôt. Bah ouais, carrément, ça met la pression. Mais bon, je pense qu'il va assurer. Donc, on verra bien. Confiant? Ouais, il sort le 24. Donc, Ah bah là, en fait. Hein. Ouais, ouais, très prochainement, là. J'ai tourné le clip il y a 2 jours. Ouais. Et voilà. Est-ce que tu peux nous donner un extrait? Moi, j'aimerais avoir un extrait quand même. Non, je peux pas. Je suis désolé. Il n'y a pas le droit. Désolé. Mais même, je sais pas, à chanter à la bouche, j'en sais rien. C'est un DJ, quoi, merde. C'est horrible. Non, on n'en saura pas plus, mais on le diffusera évidemment le jour où ça sortira. Bah oui. On sera là pour Kungs. Il y a Antonin de Marseille qui est là pour toi. Il avait une question. Bonsoir, Antonin. Salut à tous, ça va? Salut, bonsoir. Oui, vas-y. Salut, Kungs. Salut. Ah déjà, c'est déjà, franchement, tu gères, c'est la base de te parler, à vous aussi d'ailleurs. Et puis, j'aurais une petite question. Avec quel artiste t'aimerais faire un featuring, que tu rêverais de faire un featuring en fait? Alors, tu parles un DJ ou un artiste chanteur? Comme tu veux, enfin. Je sais pas, alors, comme chanteur, j'aimerais beaucoup faire un morceau avec Aloe Black. Ah oui, moi aussi, j'adore. Je trouve ça génial. Et comme DJ, je sais pas, peut-être David Guetta, ce serait un rêve. Mais d'ailleurs, voilà. Vous allez faire un set ensemble à Ushuaïa là bientôt, ouais. Non? 27 ouais. juin. Le 27 ouais, j'ai plusieurs dates avec lui à Ibiza cet été, ouais. D'ailleurs, ça nous arrange pas parce que nous, on y sera le 23, 24, 25. Ouais. Donc si tu pouvais avancer la date, ce serait cool. Parce qu'on sera partis, nous, le lundi, en fait. Hein. Voilà, Antonin. Et c'est possible de faire une petite dédicace? Merci d'ailleurs. Bah oui, carrément. Bah, je fais une grosse dédicace à Romain, Loïc, Tony, et puis à Chalva, Camille, Anthony, Jo. Ok. Et Loan. Allez, on te fait un bisou. À bientôt. Merci, bisous. Il y avait Amir des réseaux sociaux qui avait une question pour toi, Kungs. Alors, moi, je voulais savoir si t'avais déjà joué ton nouveau titre dans différents sets, dans des festivals, etc. Ou pas du tout? Pas du tout. Ok, donc c'est une exclu totale. Là, il vient à peine d'être masterisé, donc je peux. Mais attends, tu veux dire que dans le monde. Personne ne l'a entendu à part toi et quelques proches. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut au moins avoir le nom? Et il s'appelle Don't You Know. Don't You Know, ça sonne bien. Qui veut dire, bien évidemment, allons-y gaiement. Putain, elle est nulle. Tout subtilement en anglais. Hein. Il y a Alexis de Calais qui est là. 13 piges, Alexis, ça va? Salut Marion, salut Anso, salut Kung. Salut. Salut. Vas-y, Alex. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça veut dire Kung? Alors, ah oui, c'est vrai ça. Kung, ça veut dire gentleman en laiton. Ah bon? Okay. Beau gosse. Mais il se retourne vers moi tout en beau gosse, genre. Ouais, tout en fierté. En laiton, eh ouais. Mais alors pourquoi, comment? Non, bah en fait, moi j'ai commencé il y a 2 ans et demi, 3 ans, et à la base c'était vraiment juste pour le fun que je faisais ça en rentrant de cours. Et puis avec mon frère, un soir on s'est dit, ouais, il faudrait peut-être trouver un nom d'artiste. Et on a tapé du coup sur Google Traduction gentleman en toutes les langues. Et en laiton, bah, ça donne Kungs, on s'est dit que c'était pas mal. Grave. Mais tu sais qu'à cause de ça, moi j'ai cru que t'étais pas français en fait. Hein. Ah ouais, bah, après beaucoup de monde dit Kungs, on sait pas trop quoi. Et ça te saoule quand on croche? Non, bah du coup, c'est bien, ça fait parler quoi. Donc, ouais. Kungs, ça sonne bien. Ouais. Bien joué. Bravo. Pas mal, il est fort. Ça te plaît, Alexis Kungs? Ouais. Bon, et si tu valides, tant mieux, il ne changera pas. Ça nous aurait pas des masses arrangées que tu dises non, hein, mec. Hein. On t'embrasse, Alexis, et bouge pas parce qu'il va mixer dans quelques minutes, ça devrait être du lourd. Hein. Ah bah, c'est l'habitude avec Kung. Allez, on t'embrasse, bisous. Bisous, Alexis. Bon, Kung, si tu ne bouges pas, il y a encore des questions pour toi. 01 42 48 5000. Est-ce que tu connais Jonas Blue? Je connais, ouais. En même temps, c'est complètement con comme question. Évidemment que tu connais, quoi. Il est hyper bon, ce titre, et c'est le tout nouveau, hein, ça, Mano. Ça s'appelle Perfect Strangers. Je sais que tout le monde est absolument abasourdi par cet accent américain. On écoute tout de suite Jonas Blue sur Fun Radio. On est ensemble en direct jusqu'à minuit. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold. You to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Un night show spécial invité ce soir, puisque le DJ Kungs est avec nous. Et franchement, Kungs, on l'a dit avec Mar, t'as une tête de beurre. Ouais. T'as une tête de gentil. On a envie de te faire des comme ça, là, te pincer la joue. Non, mais c'est vrai, t'as une tête de gentil chat, quoi. Ouais. T'as pas te faire un bisou et te faire un câlin et te dire, mais tout va bien se passer. En fait, t'as pas une tête de DJ qui se la raconte et qui est numéro 1 sur Shazam, tu vois. C'est ça le truc. Merci, ça me fait plaisir. Donc ne change pas surtout. Ouais. Parce que si le prochain là qui sort le 24 cartonne, je la vois venir la grosse tête. Ça va faire deux, on est mal après quoi. Bon, puisque t'es un DJ qui cartonne, on va se faire un petit jeu là spécial remix. Nous on a trouvé des remixes improbables sur internet. Je vais t'en présenter, certains sont vrais, d'autres ont été faits par nous. À toi de déceler, d'accord ? Ça marche. Tu me dis si c'est vrai ou si c'est de nous. Star Wars, à ton avis ? Ça c'est vous, ça je pense. Eh ben non. Non. Vrai remix. Et de alors, qui pour... Bah je sais pas. Attends, c'est des inconnus. Et alors qu'est-ce qui te fait dire Enfin pourquoi t'as dit c'est vous? C'est de la merde. Parce que c'est de la merde. Le message d'erreur Windows, à ton avis, ça existe ou c'est nous? Ça, je pense que ça existe. Ouais. Il a peur maintenant. Bah oui, c'est trop évolué pour nous, ça. Ouais. Franchement, c'est pas mal, hein. Ça me fait délirer, moi. Ouais. Johnny, à ton avis. Pas mal. Quelques jours en nous. Ça, c'est vous, c'est sûr. Ah, bah oui. Ça, c'est complètement. C'est nous. Tellement de la merde. J'ai honte pour nous, hein. Sia, vrai ou faux remix? Ça c'est vous je pense. Eh ben non. Mais c'est un DJ sous Extac, ça c'est pas possible, il est drogué le mec. Ah il y a un truc hein. Ouais. Bah le début est pas bon. Il y a mieux quoi. Christophe May. C'est ça, mais c'est vous, ça c'est sûr c'est vous. Oui c'est nous. Mais en fait il suffit de voir vos réactions à chaque fois que vous passez vos morceaux et. Ouais. C'est non mais bon, c'est quoi. Pas ça, c'est le qu'on s'attache, mais c'est énorme. Celui-là, il passe. Hein. Moi, je le valide. la sonnerie d'iPhone. I'm sorry, I'll try harder. Ça, je l'avais déjà entendu, celle-là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais j'en ai fait une. J'ai fait un remix de sonnerie d'iPhone. Ah bon donc, ouais. Ah, il est sur SoundCloud. Il s'appelle Remix de qualité première. Et on trouve ça où ? Sur SoundCloud. Voilà. Je vais me le noter. Je le note vraiment, elle. Bah oui. Pirouette cacahuète, écoute. Ça, c'est vous, ça ? Bah oui. De toute tout ce qui est de la merde, c'est nous. Hein. Mais qui a pensé à faire un putain de remix de Pirouette cacahuète ? Je balancerai personne dans l'équipe parce que je suis solidaire, mais j'embrasse Jérôme Sopin. La Reine des Neiges. Oh. Ça, c'est pas vous? Non. Non. Non, mais c'est violent en tout cas. Ah, c'est très violent. La techno là qui tape. Franchement, faut oser quand même. Hein. Non, mais déjà, le titre de base est violent. Hein. C'est-à-dire que ah, bah ouais, c'est tu l'écoutes une fois, tu l'as en tête pour toute la vie, quoi. Est-ce que t'as déjà remixé des doses improbables comme ça, à part la sonnerie d'iPhone? Je sais pas moi, des Disney, des Reines des Neiges, des trucs à la con. Non, je me suis arrêté après la sonnerie d'iPhone. Ouais. Et quand tu mixes en club et tout ça, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a encore des gens relous qui viennent te demander un disque? Oui, ça arrive souvent ça. Ouais. Ouais, c'est normal. Le mec qui fait un pouce vers le bas en me regardant. Ah, la relou. Des gens comme ça, ouais. Et est-ce qu'il y a des meufs qui se jettent sur toi? Et qui te jettent des strings. Ah, j'ai reçu un soutien-gorge une seule fois. Non. Ouais, ouais, ouais. C'était un soutien-gorge vraiment horrible. La pauvre. Bon. Eh ben, écoute, merci pour toutes ces informations. Avec plaisir. On a Théo de Nîmes qui est là. Bonsoir Théo. Et Marion, salut Anto, salut toute l'équipe, salut Kungs. Salut. Ça va Théo? Tranquille. Vas-y, pose ta question à Kungs. Ben moi, je voulais savoir combien de temps ça faisait que tu mixais. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que j'ai commencé à faire ça. C'est pas beaucoup. Et genre, je peux en poser une dernière? Oui, oui, vas-y. Et quand t'as fait le titre This Girl, ouais, tu pensais que ça allait être vraiment un bon titre, un carton ou... Alors, je m'attendais à ce qu'il marche un peu, mais je m'attendais pas à ce qu'il marche aussi rapidement et aussi fort, quoi. Ouais, c'est ouf. Le mec est diffusé partout, il est chazamé de partout. C'est vrai que c'est un vrai carton, quoi. Ouais. Combien de temps ça a mis pour prendre directement ou Bah ouais, ça a été mis en radio quasiment directement, quoi. Donc c'est impressionnant. Mais tu te souviens, on l'avait passé dans les premiers dans l'émission. Ouais. Et on s'était dit tout de suite, ça sent le tube. Alors on n'a pas le flair à chaque fois, mais là sur ce coup-là, on l'avait eu. Et tu sais quoi? On vient de me dire là dans mon oreillette, Théo, ne bouge pas, on a le remix d'iPhone de Kungs. Ah cool. On a le temps de se l'écouter là rapide. Ah vas-y. Pas mal. Turn up the bass. Ça le fait, hein. C'est grave. Tu l'as fait il y a combien de temps ça? Ouais, je sais pas, il y a 2-3 ans. Je valide ce dos. Ouais, ça marche. Hein. En fait, c'est pour ma mère qui voulait une nouvelle sonnerie. Ouais. Du coup, bah, je lui ai fait ça. Regarde, en plus, c'est un bœuf, il fait des cadeaux à sa mère. Écoute, il a vraiment toutes les qualités, celui-là. Bon, bah, Théo, voilà, t'auras eu l'exclu du remix. Yes, nickel. On t'embrasse, mon pote. Ouais, ciao, bonne soirée. Et la pêche, hein, tout le temps la bonne humeur. Hein, tout ce qui est bonne humeur. Ouais. Bon, Kungs, reste avec nous, donc vous ne bougez pas, parce qu'il va mixer dans un instant sur Fun Radio. Ça, c'est cool. Est-ce que vous êtes chaud dans le studio? Oui. Je ne vous entends pas dans le studio. Ouais. Allez, restez là, c'est Marion et Anso, le Night Show. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Chanson du jour de ce matin, les amis. On a une déclaration d'un garçon de 12 ans pour son papa. Il a fait un peu le con et il veut s'excuser. Je te le dis, papa, je t'aime. Coucou. Ouais, salut mon poulet. Mais tu sais, moi aussi, je t'aime beaucoup, hein, donc tous les jours, il faut qu'on se dise des trucs aussi, il faut pas hésiter. Hein. Mais franchement, moi, je suis très, très heureux du geste que tu viens de faire, ça me touche beaucoup. Ben oui, mais je t'aime, papa. Bruno dans la radio. Bruno revient demain sur Fun Radio. Fun Radio présente... Salut à tous, c'est Bob Sinclair, vous êtes sur Fun Radio. Bob Sinclair, demain soir, au Sau Club, à Rouen. Venez faire la fête sur le meilleur du son dance floor, mixé par le DJ superstar Fun Radio, Bob. Bob Sinclair. Attention, retransmission en direct à partir de 2h du matin. Bob Sinclair, en DJ set exclusif au Sau Club à Rouen. C'est avec Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Plus d'infos sur funnight.fr. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio présente l'Electro Beach Music Festival, le plus grand festival électro de France. Electro Beach. À cette occasion, Fun Radio vous offre la chance de mixer parmi les plus grands DJ de la planète. Rendez-vous maintenant sur partyfun.fr pour poster votre DJ set et peut-être gagner la chance de faire la première partie de l'événement. L'Electro Beach Music Festival, les 14, 15 et 16 juillet à Port-Barcarès, avec Axwell Ingrosso, Martin Garrix, David Guetta, DJ Snake et beaucoup d'autres. C'est exclusivement avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, Fun, sur iPhone. Up with it girl, rock with it girl, show them it girl, bada bang bang. Bounce with it girl, dance with it girl, get with it girl, bada bang bang. Come on, turn the radio on, it's Friday night and just you baby, and me. To the floor and make me see your energy, because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime I whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Up, me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat, make the beat just take control. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, ce soir, Kungs s'installe dans le Night Show. Sur Fun Radio. C'est vrai qu'on a fait connaissance avec Kungs depuis quelques minutes et maintenant il vient de s'installer au platine, au platine du studio de Fun Radio. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts dans l'équipe? Bien oui, sûr. Avant Kungs en mix, et bah c'est tout de suite sur Fun Radio. Encourageons-le. Et on va se mettre sur Periscope, Marion et Enzo, comme ça vous pouvez suivre le mix, la danse d'Enzo, tout ça quoi. Ouais, c'est bien ça. Bien sûr, et c'est parti. Non mais en boss, en ambiance nightclub quoi, dans le studio. Hein. Allez, c'est parti. Kungs est dans le Night Show sur Fun Radio. Sugar, how you get so fly? C'était bon. Koongz, ah ouais, en mix en live sur Fun Radio. Bravo Koongz. Bravo. J'ai chaud. Ah ouais, mais t'as mis une ambiance, mon pote. C'était ouf, c'était hyper bon. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux, tu n'hésites pas surtout à venir mixer dans toutes nos émissions si tu veux. Dans Party Fun, dans putain partout. Ouais, partout. Et si vous voulez voir Koongz ailleurs que chez nous, donc hein, il sera mardi prochain à Toulouse pour la fête de la musique et le 27 juin à Ibiza, juste à l'Ushuaïa avec David Guetta, rien que ça. Voilà. Lourd. Le poteau David Guetta, quoi. Et il faut que tu reviennes pour le prochain titre qui va cartonner. Promis. Bah, avec plaisir, je reviendrai. Merci Koongz. Bon, la teuf continue en tout cas sur Fun Radio puisque c'est Adrien Thomas qui va vous accompagner jusqu'à 1h du matin. Je me rends compte qu'il est beaucoup plus grand que moi, le micro est là. En fait. Voilà, il me fout une tannée, pas possible. Bon, ça va Loulou? Ça va super. Il va falloir que je t'invite un soir entre minuit et 1h mixé à la cool là dans Party Fun. Et voilà, ça racole. Voilà, c'est ça. Alors attends, parce que nous on invite quelqu'un, il faut que tout le temps que tu fasses comme ouais, non, mais attends, non, mais attends, je vais dire un truc. Toi, t'invites quelqu'un mixé 10 minutes, moi je propose 1h. Mais mec, achète-toi une personnalité, d'accord, voilà. Gars. Bon, sachez en tout cas qu'on sera de retour dimanche soir en direct sur Fun Radio. Ce sera à partir de 22h et c'est Elsa Makeup qui sera notre invitée. Grave. Yes. Demain matin, Bruno dans la radio va vous réveiller. Et si on vous manque tout le week-end, toute notre connerie à retrouver sur notre chaîne YouTube, ouais. Marion et Anso Gaming. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Les stats de l'émission, bien sûr, pour vivre tous les week-ends avec nous. Voilà, c'est ça, Marion et Anso. Ça voulait pas tout dire. Non. J'ai rien compris. Les snaps. Non, mais non, mais je voulais dire qu'en gros, si les gens veulent nous suivre le week-end, et ils peuvent venir directement sur les snaps de l'émission. Ah, le snap. Bah oui. J'avais compris les stats. Ouais. Il y a beaucoup trop dans ces stats YouTube. Hein. Parce qu'Amir, il nous parle toute la journée de ces stats YouTube. Il y a une déformation là. Non, Snapchat, bon. Évidemment. D'accord. Party Fun avec Adrien Thomas, on se quitte en chanson. Est-ce qu'on était content d'être là? Bravo. On était content d'être là. Merci beaucoup. Safe distance from receiver and speakers is strongly recommended. Party. Party. Fun. Electro. Adrien Thomas. Mix Party Fun. Party Fun. La première émission Dance Electro de France. J'aime bien Mano, tu sais, juste avant l'émission qui fait. Bon, ce soir encore une belle émission et c'est la dernière de la semaine. Oh non. Oh non. Oh là là. La barbe. De fou. Bon. Les mythos, tout le monde veut son week-end. Mais non, mais attends, mais il y a Party Fun demain à partir de tout le temps. Ouais, mais vous serez pas là, quoi, c'est ça que je veux dire. Ah bah, ouais, on va te manquer, c'est ça. C'est pas pareil. Mon petit cochon. Pareil. On va t'écouter. Non, mais je vais vous suivre sur Snap du coup ce week-end. Voilà. Ouais, vas-y, va sur Snap, tu verras, c'est cool. Ta gueule. Bon, ce soir, le nouveau Martin Garrix, Ugel. Il y aura aussi. Tiens, on va se faire Maten. C'est qui Maten? Ah, c'est une meuf, c'est la meuf de Dimitri Vegas. Voilà, c'est bien, t'as révisé, parfait. Et puis on démarre avec l'hymne de cette coupe qui nous. Avec ta boucle en dessous. C'est douche, je l'ai jamais entendu de ma vie ce titre. C'est vrai? Non. Ça fait longtemps que vous l'avez pas entendu? Ouais. Bah, voilà, je me dis, je suis là pour vous faire plaisir. David Guetta et Zara Larsson avec This One's For You. Bon, mais bon week-end, je vous embrasse. Bisous, mon cher. Merci, Koongz. Close up.

Fun. Party fun jusqu'à 1h sur Fun Radio. Fun Radio. Adrien Thomas. Adrien Thomas en mix. Thank you.